Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, ah, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Il rigole déjà celui-là, il se marre. Je me marre, écoute. Comme écouté, je suis accompagné d'Adrien Méniel. Adrien Méniel, comment vas-tu? Ça va, je suis... T'es arrivé je... en courant, t'es arrivé, t'étais mort de fatigue. La 7B s'était fermée, elle est fermée pendant une semaine, là j'étais pas au courant, donc j'ai dû faire des tours, voilà, je me suis dépêché, j'étais fatigué. Mais tu sais que c'est fatigué, non, transpirant. C'est cette transparence qui plaît aux gens. Cette transpirance. Hop là. Alors oui, quand Adrien fait un bon jeu de mots, il dit hop là. Voilà, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous met à l'aise. Sinon ma famille meurt. Je l'ai... Ah non, oui, c'est ce que je l'ai pas fait deux fois. Et... comme accoutumé, nous sommes accompagnés de deux invités. Notre première invitée est humoriste et autrice. Elle s'est fait connaître sur Instagram, mais vous l'avez peut-être aussi entendu à l'époque sur RTL2, le son pop rock. Alors pas un des son pop rock, c'est le son pop rock. Non, je le dis quand même. Tous les samedis, elle rôde son spectacle à la Petite Loge. Mais alors, elle me disait en off qu'elle était déjà complète jusqu'à février, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, mais il te reste quelques dates après, quand même. Il me reste quelques dates jusqu'à fin mars. Ouais. Jusqu'à fin mars à Paris, ce sera sûrement. Reconduit, j'imagine, mais il y a aussi des dates un peu partout en France, puisqu'elle sera le 12 novembre à Brest, le 4 décembre à Troyes, le 9 décembre à Marseille, il y a plein. Marseille. Il y a plein d'autres dates sur son Insta, allez checker. Elle nous dira si à l'école on lui hurlait hey, mon Mirai, que trépas si je faiblis ou quoi, ou si je suis le premier relou. Peut-être je suis le premier relou, non, il y en a eu d'autres. Ah là là, oui. Ah, ça me fait au moins un peu de bien. C'est Anna Gautroy. Bravo. Oh, merci. Très touché. Ça me rassure que je suis pas seul à avoir un humour de merde. Évidemment. Ah non, vraiment, tu n'es pas du tout seul. Et est-ce qu'encore aujourd'hui ou pas? Là, ça peut être terrible. Un peu moins. Ah, quand même. Ça arrive, hein, quand même. Votre froid de mon Mirail. Ah, avec ce petit regard étincelant. Comme si c'était un pur banger. Voilà. Notre second invité est humoriste, autrice et chroniqueuse sur France Inter. Après son premier spectacle, Bon anniversaire Jean, dispo sur MyCanal. Son livre, Bien sûr que les poissons ont froid, dispo en librairie. Son podcast, Les gens qui doutent, dispo sur toutes les plateformes. Voici son nouveau spectacle. On disait qu'on faisait la fête, dispo au théâtre Le Zèbre de Belleville, à Paris, les mercredis et les jeudis. Et aussi dans toute la France, plus qu'une BD, un disque et un bouquin sur le jardinage. Et elle aura enfin touché à autant d'art qu'Elise et Moon. De là à dire que Morgane Cadignan et sa dieudonnée, il n'y a qu'un pas qu'on franchira pas, c'est Fanny Ruet. Oh là là. Oh, celle-là, t'es... Tout est vrai, tout est vrai. Comment vas-tu, Fanny? Un plaisir de te retrouver. Mais oui, merci. La à troisième vous fois, je crois. De me faire revenir. Mais toujours un plaisir. Merci d'encore accepter, malgré les vieux ringards que nous devenons. Ouais, ça ouais. fait les ringards du podcast. Ouais, ouais. Ça fait très plaisir. Alors, comme à l'accoutumée, on va jouer au jeu du Floodcast. À votre avis, pourquoi, je commence facile, hein, je pense que vous l'avez vu passer, mais pourquoi un McDonald's de Pennsylvanie reçoit actuellement des centaines de mauvaises notes sur Yelp ou sur Google Avis? Ah, j'ai pas non plus. Ben non, mais alors, c'est pas grave, vous allez peut-être deviner au fil des questions. Est-ce que c'est pour quelque chose de concret ou alors c'est pour un truc du domaine du prank de... Alors, c'est pas un prank, mais ça troll un peu. C'est concret parce que c'est lié à un truc qui est terrible. Ah mais oui, bien sûr, oui, ils ont sais. Fait un bad buzz. Non, alors ils ont un peu fait une sorte de bad buzz. Adrien, là tu passes non, quelques minutes. Non mais voilà, je vais manger minutes. Un petit truc. Est-ce qu'ils sont le petit truc que personne ne veut bouffer, c'est ça. Moi ça, j'adore. J'ai ramené. Oui, n'hésite pas. C'est quoi déjà ce que t'as ramené à bouffer? J'oublie tout le temps le nom. Du riz soufflé au chocolat blanc et au beurre de cacahuète. C'est ça. Et Fanny aussi, a dégueulé quand c'est extrêmement cher aussi. Ça coûte 7 balles. Alors je goûte. Alors du coup Fanny se dit why not. Alors, est-ce que c'est un truc hygiénique? Pas hygiénique. Oh, quoique. Oh, attention, non, parce qu'il trempe sa plume dans le vitriol. Oh, ouais, c'est pour oh ça. Là là. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Est-ce que. Putain, je sais pas. Tu m'as dit bad buzz vite bad fait. Bad buzz. Bah, si, bad buzz quand même. C'est lié à l'actualité. J'allais dire exactement ils ont, ça. Ouais. Ils ont dit quelque chose, genre sur leur page Facebook ou leur Insta. Leur page Facebook, elle a quel âge la dame? Parce que McDo, ils ont une page Facebook. Ah, oui, je suis désolée. Ils ont tout, je pense. Et elle est excellente. Et elle est excellente. Je la suis. Alors c'est. Bon, c'est lié à la visite de quelqu'un. Voilà. Ah, il y a une star qui est venue. Ah, y a une mais vedette. Une star pas donc ouf. Y a une star qui n'a pas aimé et du coup tout le monde est en mode. C'est plutôt une star, une star que les gens n'aiment pas. Ah, genre Donald Trump. Très bonne réponse. C'est littéralement lui. Wow. C'est littéralement Donald Trump. Est-ce que je peux dire. Vas-y, vas-y. Bon, que tu l'aimes pas. Attention. Non, hein. Ouais, attention les propos, Adrien. Orange qu'il est là. Non, mais en gros, c'est parce que Kamala Harris a dit vous allez pas voter pour un mec qui a jamais travaillé de sa vie. Et du coup, il a fait une vidéo où il est en train de faire un burger au McDo. C'est il a ça. Dit « Et là, je travaille pas !» Je fais « Bah, la vache. Si t'as besoin de faire une vidéo, c'est que vraiment, t'as c'est pas travaillé ta vie. » Je crois que c'est parce que Kamala Harris aussi a bossé, enfin, a dit qu'elle bossait chez Wendy's et lui, il dit « Bon, c'est du mytho. » Et donc il dit oui bah moi aussi je peux bosser dans un fast food. C'était encore c'est parce que vu qu'elle a bossé chez Wendy's, lui il a fait McDo. Ouais. McDo qui est bien embêté parce qu'ils disent non mais attendez nous on soutient pas trop à la base et tout sauf que tu dis bah vous l'avez laissé passer donc. Putain. Dans la gueule d'Eric hein. Le service était risible. Un vieil homme sénile a mis de l'autobronzant sur mes frites. Il ne portait pas de gants, a ainsi écrit un internaute. Tandis qu'un autre s'est plaint qu'un vieux monsieur aux propos incohérents ne lui avait pas rendu sa monnaie. Sur une centaine d'évaluations, les trois quarts n'attribuaient qu'une seule étoile sur cinq au restaurant, soit la note la plus basse. C'est parce que Donald Trump s'est arrêté dimanche dans un McDonald's de Pennsylvanie. Il était particulièrement courtisé par les candidats dans la course à la Maison Blanche. Sachant que quand l'épisode sort, nous on sait pas hein, mais il y a un nouveau président déjà et peut-être une guerre civile et peut-être plein de choses qu'on n'a pas nous. Non attends, c'est pas mardi et ça sort lundi non? Ça sort celui d'après. Oh, mais vous êtes tellement en avance. Ouais, mais tu sais on a changé complètement. Mais ouais, on est worldwide hein. donc voilà il est allé faire ça et du coup la page Facebook et comme tu disais, la page Facebook. Ouais, j'avais raison. C'est fait c'est fait défoncer le Yelp aussi, le Google Avis, etc. Ça me pose cette question, est-ce que vous êtes du genre à laisser des avis Google? Ah non. Non? J'ai été forcée de le faire pour mon ancienne école. Enfin, on m'a demandé, mettez un avis positif sur l'école. Trop bizarre de faire ça. C'était quoi ton école? Oh là là. Le studio École de France. D'accord, ok. Vous connaissez? Non, pas du tout, c'est quoi? C'est une école de radio. Ah ok, d'accord. Non mais en plus j'ai eu une plutôt bonne expérience. Mais on m'a vraiment demandé de mettre un avis. Un petit 5 étoiles. Et je vois encore aujourd'hui votre avis a été liké plus de 500 fois. Par les profs de l'école. C'est ça. Mais ça, on me l'a demandé aussi récemment. Je suis allé faire des photocopies à Office Depot. Ah oui, c'est pas pareil. Non, j'ai pas fait l'école de la radio. Mais et on m'a dit pareil, laissez un petit 5 étoiles et tout sur Google Avis. Ce que j'ai fait, hein, comme un. Oui, en fait, quand on te le demande, tu le fais. C'est pareil. Mais en même temps, je me sens con parce que qu'est-ce que ça coûte, quoi. C'est vrai. Enfin. Le service, t'es 5 étoiles pour toi? J'ai pas... Oui, bah voilà. Non, mais c'était hypocrite. C'est pas. Alors, déjà, oui. Oui, sûr. Ah, pardon, genre, je fait 10 ans que ce podcast existe. Enfin, j'imagine bien que. Mais c'est surtout le. J'ai du mal à évaluer un service dans un Office Depot, quoi. C'est-à-dire qu'on m'a imprimé des choses. Bah, c'est bon. Et c'était bien fait, donc c'est 5 étoiles. Oui. Ouais, je vois mal comment tu mets 3, quoi. En disant, oui, alors on l'a fait. Si la personne, elle te parle mal. Ou... Bah, là, c'est 0 pour moi. Tu vois, j'ai du mal à voir le entre 0 et 5. Ah, non, mais pas. Ah, moi, si j'étais prof, je sacrais, moi. Toi, t'es un mec entier, si c'est pour ça. Mais quand t'es bout de décoffrage, parler mal, je dis pas il insulte ta mère, je dis juste il est désagréable quoi. Oui, oui, oui. Genre il te regarde pas quand il te parle et tout, tu fais bon allez, genre. Ça, je m'en fous, ça je m'en fous. Je me dis bon, un truc de photocopie. Une victime. Oui, ah, mais je suis une victime. À une époque, je m'étais mis en tête de noter tous les KFC de Paris quand j'étais étudiant. Et puis t'as eu un job. Une meuf aussi. Et après, je me suis regardé dans le miroir. Tout simplement, j'ai fait mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Fanny, toi tu laisses des avis? Quand on me le demande, ou sinon j'ai un pote qui m'a envoyé hier une capture d'écran d'un des seuls avis que j'ai laissé sur un resto. Et il pensait que c'était un gag, mais non, c'est un vrai avis. C'était genre, c'était délicieux, mais j'ai vomi, donc avis mitigé. Et c'était genre devant la gare centrale, terminus ou terminal, je sais pas quoi. Et c'était délicieux, vraiment. Ouais. Saucisse purée, ma vie. C'était délicieux, puis j'ai tout vomi. Donc voilà. Et tu penses que c'est lié à oui. Ou ah oui, d'accord. Ouais, il n'y a aucun doute. Non, doute. Elle est formelle. Il n'y a aucun doute, mais bon, c'était quand même bon, tu vois. Donc ça aurait pu être mauvais et me faire vomir. Donc je me dis, 3 étoiles. J'ai mis 3 étoiles. C'est trop drôle. Moi j'ai du mal à faire une croix sur un restaurant où j'ai vomi mais c'était délicieux. Mais ouais, c'est-à-dire ça. Que le vomi ne me suffit pas et désolé, ah bon on parle de vomi au bout de 6 minutes d'émission. Mais ouais, les gens, tu sais, oui, ils savent où ils sont, ils savent où ils sont. Mais ouais, je peux. Non, toi Anna, tu retournes moi, pas. Moi j'ai peur de vomir donc c'est-à-dire tu que es c'est. Ah, j'adore. C'est non mais t'as l'air de t'en foutre. T'es métophile toi tu es. Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Ah non, moi c'est impossible donc j'ai plus jamais j'y retourne. T'y retournes? Ah oui. Bah, moi, je suis pas hémétophobe, mais je suis un peu pareil. Tu te rappelles quand on était en Suisse, on avait bouffé un Subway. Oui. Et j'avais vomi. Ouais. Et je m'étais dit, c'est fini Subway, quoi. Désolé, mais... Subway. Bon, non, mouche. Mais moi, Subway, pareil, j'ai eu une intoxication alimentaire totale. Ouais, bon, là, c'est une très mauvaise pub pour Subway, ouais. Mais en même temps, bon. Mais bon, sur les ingrédients, ils restent à l'air libre, là. Évidemment, c'est affreux. Moi, j'ai eu pas que vomi, j'ai eu tutti quanti, j'ai envie de vous dire. La totale. Et du coup, là, pareil, c'est. Même l'odeur me dégoûte quand je passe, parce qu'il y a une odeur très forte du Subway. J'aime bien, d'utiliser tutti quanti. Tutti quanti. Parler de chiasse. T'as un truc très. Tutti quanti. Tutti quanti est un mot qui a été inventé pour parler de ça à la base, c'est formidable. Donc ouais, ce bois, moi c'est impossible aussi. Ça c'est impossible aussi. Mais tu vois par exemple, manger épicé, ça me rend malade. À chaque fois, pas malade vénère, mais ça me met pas bien. Mais tutti quanti quoi. Tutti quanti. Et j'y retourne quand même parce que j'aime bien le manger. Tu vois. Ouais. Donc toi, tu. De quoi? À part le Subway, épicé, tu manges pas tant épicé toi en plus. Si, j'aime bien. Mais pas, t'aimes pas, tu cherches pas la piquance. Toi, t'es un petit gourmet quand même. Je suis un gourmet, je sais pas, ça dépend des jours. Est-ce que tu es intransigeant sur la nourriture? Tu veux dire comme la personne qui a dit qu'il allait arrêter d'écouter le podcast à cause de moi? Parce que j'étais devenu intransigeant. C'est vrai que t'es devenu trop. Il y en a eu un commentaire de quelqu'un qui disait qu'il arrêtait d'écouter le podcast, que Adrien était devenu trop intransigeant. Carrément. Je suis devenu intransigeant. Mais vis-à-vis de. Ah, en général, ah, ouais. Ah, ouais. Société. Ma théorie, c'est qu'il ne sait pas ce que veut dire le mot. Voilà. Il voulait dire. Chauve. Oui, voilà. Oui, bah oui. Ça, c'est vrai. Non, intolérant, je pense qu'il voulait dire. Et il a dit non, je vais dire plus, je vais dire intransigeant. Mais ça, c'est pas vraiment ça. Moi, je laisse des avis, moi. Ah, il est sur ses 1200 avis Google, ah ouais. Regardez-le. Oh là là, wow. Non, j'en ai. Est-ce que la vie Google peut te j'en dire. J'en ai 12. Est-ce que. Oh, c'est pas si énorme. Et c'est que des 5 étoiles. Oui, voilà, c'est ça. 5 étoiles, c'est stylé. Je trouve que. Commencer à se plaindre, à mettre des une étoile, ça me renverrait une mauvaise image c'est de moi-même. Gris, moi. Ouais. Oui, ouais. Mais tu regardes les notes avant d'aller quelque part. Bien sûr, et je trouve ça dingue les gens qui ne le font pas. Oui, mais oui. Donc du coup, on n'aime pas laisser des notes, mais en même temps, on les regarde. Mais ouais, mais en même temps, c'est fou parce que les gens, ils vont en laisser majoritairement quand ils sont pas contents. Donc tu vas avoir 10 avis négatifs parce que juste les gens qui sont satisfaits, ils ont oublié qu'ils étaient satisfaits. C'est pour ça qu'il faut toujours lire l'avis Google et pas se référer que à la note. Sur un hôtel, par exemple, il y avait une bonne note, et il y avait une étoile, donc je regarde les avis, et vraiment, tu dis, oui, bon, ça, c'est des fous. Genre, oh, le drap était un peu trop chaud. Tu dis, oui, bah, t'en enlèves un. Enfin, c'est vraiment des trucs. Passe la jambe par-dessus. Ouais. Si je peux me permettre. Vu qu'il y a des gens qui vont avec pas le même. Enfin, tu vois, j'imagine que quelqu'un qui a pas de sous, et qui dépense tout une fois, il est plus intransigeant. Ouais, ouais, même, ouais. Enfin, tu vois, les gens sont tous très différents, tu vois. Mais quand même, regarde absolument toutes les notes. Comme un parfait dingue. Bien sûr. En Allemagne, une pizzeria a connu un énorme succès avec l'une de ses pizzas. Et ce succès a intéressé la police qui, après une enquête, a fait fermer le restaurant, à votre avis. Ah, pourquoi? Il y avait de l'héroïne dedans. De la drogue, ouais. Alors. Plus précisément, est-ce que vous pouvez. La weed. Ouais. Alors, c'est de la coke, je vais vous dire. Ah, c'est de la coke. C'est nul comme jeu. Dans la farine. Alors, pas dans la farine, non. C'est-à-dire que c'est une parmigiano. Ouais, c'est ça. Tutti quanti. Ouais. Non, c'est. Ça va vous décevoir, en fait. Là. Je sens que vous partez sur quelque chose de beaucoup plus sympa que la vraie news. Bah ouais. Parce que il y avait les traces de coke sur les couteaux. Non, alors. Horrible. Sur les mains du pizzaiolo. Non, dans le nez du pizzaiolo. Il y avait sûrement dans tous les endroits que vous dites, mais en gros. Donc il y avait cette pizza qui marchait plus que les autres, c'est pas qu'elle était faite à la coke. C'est juste que c'était un truc caché pour vendre de la coke. Ah oui, d'accord. C'est ça. Bon, c'est bien. Ah, moi, c'est bien, j'aime bien. Bonne ouais. Technique, mais, hein. Mais ça veut dire qu'il y avait énormément de gens au courant. C'est ça. Ouais. C'est ça. Un énorme réseau le de coke. Bouche à oreille, dans la... quoi. Ouais. Mais avis Google, peut-être. Laissez. Ouais, c'est ça. La 40 me donne une patate. Ça serait trop marrant que là, on se dise, tous les gens qui écoutent le Floodcast, ils vont laisser un avis sur un resto en disant, putain, ils vendent de la coke. Et non, on fait fermer ça. Le resto. On leur donne pas d'idée. Mais attends, comment la pizzeria faisait la différence entre les gens qui voulaient vraiment acheter cette pizza et ceux qui voulaient acheter de la coke? Tu dis un faux nom, si jamais, non? C'est ça, il y avait la pizza tutti quanti. Tout a commencé par un banal contrôle sanitaire. Voilà, les inspecteurs découvrent de la drogue dans la cuisine du restaurant, donc déjà, bon, pas 8 fou, limites. Ça plombe. Une étoile en moins. Ou en plus, ça dépend. La police met la pizzeria sous surveillance et s'étonne de l'engouement pour la pizza qui s'appelle la numéro 40. Okay. C'est-à-dire qu'elle avait un nom particulier, la numéro 40. Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas à quoi était la pizza et comment tu différencies. Ça se trouve, il y a un mec qui voulait juste manger une reine et il se retrouve avec un sachet de coke. Bon, tu mets 5 étoiles aussi, cela dit. Si t'as de la coke gratuite, tu mets 5 étoiles. Ou alors, ça doit être une pizza à 150 balles aussi. Parce que j'imagine que le prix de la pizza avec de la coke. Ou alors, c'est un tout petit peu de coke. Bah, tu sais, c'est comme dans les sauces pimentées, mais avec de la coke. Et donc, effectivement, cette pizza numéro 40, c'est la plus commandée pour la livraison à domicile. Puisqu'un sachet de cocaïne est caché sous la pizza. J'arrive pas à comprendre l'intérêt de faire ça. Genre, vendre juste de la coke, quoi. Ouais. Quel intérêt de le faire c'est juste pour faire son malin, non? Moi, je pense, non, mais je pense pizza, que c'est rendre les trucs cachée. Un peu carrés t'as une appli, tu dois livrer. Oui, c'est vrai. Je pense c'est vrai. Que c'est simple. Oui, mais par contre, je serais dégoûté qu'on mette de la coke sous ma pizza. D'accord. Je me dis, mais frère, j'avais faim, enfin tu vois. Ouais. C'est ça. On mélange pas plaisir et nourriture. Oui, bien sûr. Mais surtout que là, il y a un truc de. C'était tout un réseau en fait. C'est-à-dire que je suis pas certain que l'histoire ne le dit pas, mais que le patron de la pizzeria était genre le chef de cartel. C'est des fois genre ils aident, ils donnent des coups de main, ça passe par ci, par là, tu sais. T'as jamais vu The Wire, mon pote? C'est un peu ce délire là, tu vois. Pas de chance, le sac tombe dans les bras des agents de police. Au total, ont été saisis plus de 1,5 kg de cocaïne, 400 g de cannabis et 268 000 € en liquide. Ah ouais. C'est beaucoup de cocaïne, ça? Je me rends pas compte. Je pense que c'est par gramme. Je suis devenu donc papa, tu sais, donc je ne sais plus. Toutes ces infos, je ne les ai plus. Ton enfant, il pèse combien? Dis-moi combien ça pèse en ton bébé. Pizza préférée, très vite autour de la table? Très simple, margarita. Alors, merci beaucoup. Bah oui. Mais oui, bien sûr. Et tu pourrais expliquer ce choix? Parce que moi, j'arrive pas à le défendre. Moi, je trouve que. Si, c'est le classique, quoi. En fait, c'est la mozzarella di bufala. T'es chiante. Qui me fout en l'air. Eh oh, je t'entends. J'ai une casse sur les oreilles. J'ai un micro et tout, j'ai un casse. Fais gaffe, la miss. Mais moi, je me le suis expliqué en disant j'adore m'engouffrer de la nourriture. La pizza, j'ai pas le plaisir de. C'est bon et tout. C'est genre, non. Rempli. Faut y aller là. Voilà, ma le fin. Le portrait que tu dresses de toi dans cet épisode est incroyable. Dans cette émission depuis 10 ans. Ouais, non, mais. J'ai lâché assez particulièrement beaucoup de nourriture. Oui, et je voulais noter tous les KFC de France et je m'engouffre de la nourriture. Et ça fait 15 minutes qu'on enregistre. C'est terrible. Non, mais donc, du coup, quand il y a trop de choses. Oui, c'est trop d'infos. J'ai besoin de finir la pizza. Et je sens que quand c'est autre chose qu'une margarita, je ne vais pas réussir à la finir. C'est ça. Tu fais pas beaucoup d'efforts, je trouve. J'ai un rapport à la nourriture catastrophique. Tu décris un TCA, là, totalement. Hein? Tu décris un TCA, totalement. C'est quoi un TCA? Un trouble du comportement alimentaire. Ah, t'es pas obligé de prendre ce petit ton quand tu m'expliques. Non, mais oui, ça, c'est un petit ton intransigeant. Ah oui, il est très intransigeant. Ouais, j'ai écouté un podcast récemment de Pete Holmes et Judd Apatow. Et alors, il parle de rapport à la bouffe où c'est le cerveau et pas l'estomac et tout. Et moi, c'est complètement ça. C'est la bouffe réconfort, la bouffe d'avoir. Ouais. Enfin, tu vois, je suis complètement là-dedans. Moi, c'est à 2000%. J'ai l'impression que la fois dernière où j'étais venu, on avait aussi parlé de ça. Ah ouais? Et du fait que tu mangeais, pas pour manger, mais juste pour mettre des trucs. Mais ça a pas, tu vois, ça a grave bougé depuis ben, les 3 ans que t'as vu. Bravo! Belle évolution. Belle évolution et tout. La pizza préférée de Fanny Ruet. Moi, je suis très, très frivole avec ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire, j'aime jamais bien. Jamais la même? Une girouette. Non, mais des fois, un peu, ouais, des fois, je me dis, vas-y, j'ai envie de jambon de parme, des fois, de juste un truc au fromage, des fois, parmigiana et tout. C'est, ouais, moi, truffe, je. Truffe parfois? Ou... Ah oui. Truffe. Alors, j'aime les truffes, mais pas les champignons. Donc, c'est. Ça peut vite. Enfin, pas les champignons de Paris, quoi. Parce que la truffe, de partout. Okay. La truffe, c'est un champignon. Moi, je veux juste que ça. Mais oui, c'est ça le truc, tu vois. C'est que c'est vite fourbe, les champignons. Ouais. Donc voilà, je me méfie. Ah, donc t'es insaisissable d'une certaine manière. Moi, mais t'as pas remarqué quand je suis rentrée que je suis méga mystérieuse. Ah, c'est mystique. Mystique, c'est vrai, oui, que c'est quel ça. Est ce brouillard qui remplit mon appartement. Et oui, bien sûr. C'est Fanny. Adrien. Je sais pas. Moi j'aime bien. Ok, genre, donc ton avis sur le conflit israélien. Non. Non, moi j'aime. Margarita. J'aime bien, ouais, un truc genre margarita, mais avec supplément champignons, parce que moi j'adore les champignons. Salaud. Et peut-être supplément oignon aussi, parce que bon. Ah bon? Et des olives. Ah, oh, donc quand même, il y a ouais, des. Ouais, bah vas-y, prends une autre pizza en fait. Je sais pas le nom de ce que je viens de décrire, mais donc voilà. Et justement, on parlait de bouffe réconfort, c'est quoi vous, votre plat réconfort? Genre, ah, sale journée. Pas beaucoup manger ce midi, on est le soir. Moi, en ce moment, j'ai des habitudes alimentaires de. Enfin, genre, le soir, je mange genre du poulet, des épinards et tout. Ah, donc t'es un peu stressée. Ouais. Ma vie est d'une tristesse. Mais du coup, j'essaye de plus manger de trucs réconfortants le soir. Donc tu les manges le midi ou le matin ou t'as... Le midi, ouais. Après, ouais, ça peut être sain et réconfortant, mais... Non, ça c'est mort. Ça va, mytho. Pas si pour chez moi. Si, parce que non. Moi, c'est la soupe, par exemple. Sans déconner. Ah ouais. Regardez-moi, je suis un ours dans un conte. C'est bon, là. Non, ouais. Bonne petite soupe. Mais toi, t'adores. S'il n'y a pas de féculents, ça ne va pas. C'est ça. Ah ouais. Et moi, je suis en train d'essayer de désintoxiquer l'eau du sucre. Allez, quoi, putain. J'en peux plus de ce mec. Pardon. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est intransigeant, mais celui-là, ça me rend dingue. Vous n'avez pas disrespect la soupe devant moi. J'adore la soupe. C'est bon, ah oui, mais c'est pas réconfortant pour moi. Si, alors si. Ça peut être réconfortant, je vois. Mais avec du pain. Ouais, de la crème fraîche. Ouais, mais non, mais sinon, tu et fais un Big Mac. Mais enfin, non, mais mieux, tu mets des nouilles alphabet dedans, des pâtes alphabet dedans. Mais là, tu peux jouer en même temps. Tu les as, voilà, la fécule est là. Voilà. Mais sinon, les spaghetti bolo. Ah oui, c'est voilà, c'est l'enfance, c'est le passé et le futur en même temps. C'est ça, c'est vrai. Comme l'Italie au final. C'est ici. Parce que toi, tu dis ça, mais genre maison. L'été. Genre l'été, tu te fais une soupe l'été? Tu te fous pas de ma gueule en fait. Non. Oui, enfin, pardon, fallait un truc toute saison, c'était ça ta question. Demandais pas une réponse définitive, j'essaie de. Tu faisais pas de bolo en été quand tu fais 40 degrés? Mais bien sûr que oui, rien. Bah, je peux manger de la soupe aussi, alors voilà. Ah bah ok, puisqu'on ment. Moi, c'est pesto rosso, les spaghettis au pesto rosso. Ah, on est encore dans les pâtes, c'est fou. Ou à la carbo. Oh. Ah, attention, pas de crème hein, dans la carbo. Hein. Mais ah non, non, un jaune d'œuf, attention. Non, non, imagine. moi, c'était le sucre mon problème et j'essaie de me désintoxiquer et c'est vraiment très dur hein, quand même. Là, je mange des œufs le matin, c'est nul. Ah, j'adore ça. Oh, non, ah ouais, c'est génial. C'est génial, c'est des œufs. Alors, vous faites des œufs quand? Moi, je fais des œufs au plat, peut-être pour ça aussi. Ah oui, c'est trop c'est bon. Moins bien. Oh, c'est bien. Ah ouais, c'est trop gluant. J'ai une petite recette si ah, ça t'intéresse. Écoute, je noue une petite serviette autour de mon cou et je t'écoute. Sublime. Alors, une tranche de pain de mie. Tranche de pain de mie, tu mets du fromage à tartiner. Okay. Et des œufs brouillés par-dessus. D'accord. Bah, c'est délicieux. Ah, elle vient d'inventer une recette. Tout simplement. Attends, c'est quoi du fromage à tartiner, Genre du Saint-Moray ou. Ah, ok, d'accord. J'ai fait un placement de produit. Tu peux. Super. Mais c'est pas chiant à faire les œufs quand t'as dit Moray. C'est pas brouillé. C'est plus simple. N'importe quoi. Ah bon, tu mets là, tu fais ouais. Quand t'as raté les œufs, tu peux dire que c'était ça. Ah ouais. Exactement. Okay, d'accord, c'est ça. Tu mélanges ton œuf. De base, elle voulait une omelette. Oui, c'est ça. Non. Ok. Bref. D'accord, parce que moi, je sens que je commence. Moi, je prenais des céréales et je sens que je commence la journée avec trop de sucre et qu'après, je suis pas bien le reste de la journée, quoi. Comme un vieux monsieur. Accroche-toi, ça va aller. Ouais, j'ai que 30 ans. Puis on descend. Ouais, c'est ça. Non, mais des fois, je suis là, je dis, j'ai vraiment des problèmes de vieux pour un gars qui a 30 ans. Mais ça en vrai, le sucre, je crois que c'est un truc assez global. Moi, j'ai des potes où vraiment, ils pètent des câbles avec le sucre. Ouais. Quoi. Dès qu'ils en mangent, tu vois, ils, vraiment, on dirait qu'ils sont sous coke. Bah, je connais pas de gens qui sont sous coke, mais je pense que c'est ça. Bah oui, il y en a pas dans le showbiz. Non, plus fort que la coke, le sucre, je crois. C'est genre une des drogues les plus. Mais d'ailleurs, dans la pizzeria, dans la pizzeria, si tu demandais la numéro 40, t'avais un paquet de bonbons. Un Américain est au cœur d'une enquête fédérale lors d'un incident survenu lors d'une opération médicale, à votre encore avis. Mais c'est toutes les semaines, mon pauvre ami. Oh là là là. À votre avis, que s'est-il passé? Donc déjà, tu dis un Américain, il est chirurgien. C'est-à-dire, pardon. Attends, d'une opération quoi? Quoi? Un Américain, la question, un Américain est au cœur d'une enquête fédérale lors d'un incident survenu lors d'une opération médicale. Oui, oui, c'est le chirurgien. Donc c'est, donc c'est le médecin, c'est pas la, le patient. Tu m'as gaslight. Il a mis de la drogue. Je posais une question totalement. Il a mis de la drogue dans le patient. Il n'a pas mis de drogue dans le patient. Est-ce qu'il a, est-ce que c'est encore un zinzin qui a voulu signer son œuvre? Non, non. Il n'a pas. Il y a eu ça? Ça a eu, ouais, un mec, il avait genre écrit ses initiales. Sur le pied, comme dans Toy Story. Ouais, c'est ça, mais à l'intérieur. Un peu marrant. Est-ce qu'il a laissé, il a laissé un objet dedans pour rigoler? Non, il a pas laissé. Ça, on en avait eu. Un coussin péteur. Entre la rate et la véhicule biliaire. Quand tu danses, ça fait bouf. Oh ben, mince. Ou dire une vraie excuse d'un mec qui l'a la caisse tout le temps. Non, non, non, mais on a mis un coussin péteur. Vous allez pas me croire. Non, effectivement. Le patient est-il décédé? Le patient. Déjà, attends. Ah oui. Non, le patient n'est. Non, le. Est-ce oui, que... le patient est décédé. Ah, oui. À cause de lui. Excusez-moi, pardon. Ah, non. À cause, oui. À cause oui, de mais lui. C'est. En fait, vous allez comprendre avec la réponse ça... pourquoi j'hésitais à vous répondre. Non, mais surtout, ça veut dire que là, il y a une famille en deuil. Et nous, c'est le fun fact de début d'émission. Oui. C'est un Américain. Normalement, je suis. Normalement, on est jamais, bon. Hein. Peu de chance qu'il nous écoute, mais. Peu on... de chance. C'est vrai que je suis worldwide Thoughts maintenant. And prayers. Bah ouais. Non, du coup, est-ce qu'il a mis. Il a mis sa santé en danger? Non, en fait, c'est est-ce pas... Est-ce que c'est genre chirurgie esthétique qu'il a raté, l'autre il s'est vu et il a fait une crise cardiaque, non, il est mort? Non, c'est pas que... comme ça. Beaucoup. Non, mais c'est vrai que genre... TikTok que j'ai ça vu beaucoup niche. Passer, mais... Non, non, non, parce qu'il dit, il a l'air de dire que c'est pas vraiment à cause de ça qu'il est mort. Mais est-ce qu'il a pas fait exprès? Alors, est-ce qu'il s'est endormi dedans? Il... comme Luke Skywalker dans Saint Anton. Oui, non, c'est il a pas fait exprès. En fait, oui, il a pas fait exprès, mais il s'est passé quelque chose qui était vraiment pas prévu. En fait, il y a quelque chose que il vous a... ne demandez pas qui va vous est-ce donner tout de suite la seul? Réponse. Alors, il était pas seul. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Est-ce qu'il... Quelque chose que vous ne demandez pas sur le patient en lui-même. Est-ce qu'il était déjà mort? Il était déjà... Ouais, voilà. Et donc, c'est un médecin légiste. Ah. C'est un médecin légiste. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Et en gros, qu'est-ce qui s'est passé avec le patient? Ah non. Non, rien de. Ah mais non, c'est ah non, sinon c'est qu'il était juste pas mort. Et tu sais, il y en a plein qui se font déclarer morts et qui ne le sont pas. Alors, Oh non, c'est la bonne réponse, mais c'est pas. Il a tué un mort. Alors, il a tué un mort. Oh non, putain, les Américains. Anthony Thomas Hoover est un Américain de 36 ans au cœur d'une enquête fédérale 3 ans après avoir été déclaré en état de mort cérébrale. Ce résident du Kentucky a vécu un véritable cauchemar lorsqu'il s'est réveillé sur la table d'opération alors que ses organes étaient prélevés, devaient être prélevés pour des dons. Donc c'est ça qui s'est passé. Ah bah ça va, c'est pour un don. Voilà. C'est-à-dire qu'il était mort. Il a dit ah bon, bah c'est ok. C'est bon. Il était mort, il donne son corps à la science. Et quand il commence à récupérer les trucs qu'il voulait donner à la science, il se réveille en fait. Enfin, j'imagine, ils ont fait une incision, il s'est réveillé quoi. Et surtout, il s'est pas réveillé. C'est pas genre, il a le foie dans la main et le mec fait bah. Qu'est-ce que vous faites ? Excusez-moi. Non, surtout, il s'est pas réveillé genre. Qu'est-ce que vous faites ? C'est juste qu'il y a eu un. Le truc, c'est. Bah oui. Ah, donc il est vivant maintenant. Alors je vais vous raconter tout. Je crois qu'il est décédé. Selon les médias, il n'a plus de poumons, hélas, mais il est bien vivant. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital après une overdose. C'est à ce moment-là que les médecins ont conclu à une mort cérébrale, déclenchant une procédure rapide de prélèvement d'organes, puisqu'il était, il s'était inscrit en tant que donneur. Sauf que des signes d'activité cérébrale sont vite apparus. Et donc la sœur d'Anthony Hoover, Donna Renner, a exprimé ses doutes après avoir observé des mouvements dans les yeux de son frère. Ça, c'est un petit peu cloqui, mais elle a reçu l'assurance de l'équipe médicale que ce n'était que des réflexes, ce qui l'a convaincue de ne pas contester. Et pourtant, l'impensable se produit lors de l'opération. Anthony Hoover commence à se débattre, forçant les médecins à arrêter immédiatement. Donc, si, il a quand même un peu bougé, mais il ne s'est pas réveillé totalement. Les enquêtes consultées. Le mot débattre est utilisé quand même. Il y a eu des mouvements. Oui. Il a commencé à faire la Macarena. Il a fait une prise du sommeil au chirurgien, ce qui l'a poussé à arrêter l'opération. Et donc voilà, et donc maintenant il est hélas décédé. Mais ah oui. Putain, mais arrête de jouer avec nos émotions. Non, mais je suis chien malade. C'est vrai qu'on a fini par s'attacher quoi. Donc, Est-ce que vous avez peur de la médecine et des docteurs? Je suis des dires de la mort. De la mort. Regarde le métier que je fais. De la médecine. De la médecine. Est-ce que vous allez facilement chez le docteur? Ah oui. Ouais. Enfin, pas tous les 4 matins, mais si j'ai un problème, j'y vais quoi. Oui, c'est ça. Me pose pas trop la question. T'as pas une inquiétude à vis-à-vis de ça? Moi, j'ai plus de juste milieu. Soit tu sais, je suis dans le déni très longtemps, soit à la seconde où j'ai un truc, allez, médecin. Ah ouais? Ouais. Et tu arrives à différencier les causes ou pas du tout? Genre, ça mérite que et ça non? Ou juste c'est non, en fait, comme la pizza, c'est selon ce qui vient? Ouais. Non, je sais pas. En fait, En fait, si ça peut m'inquiéter, si à un moment je peux partir, oh bah écoute, c'est une tumeur, là j'y vais direct, comme ça, voilà, problème réglé. Si c'est un truc un peu honteux, j'y vais à la seconde où ça arrive, comme ça, bah j'aime pas la honte. sinon, non, je sais pas. J'y vais assez facilement. D'accord. Une application utilisée par les gardes du corps d'Emmanuel Macron est accusée de mettre en danger. Ah oui, j'ai vu. Ah oui, vous ça avez j'ai vu aussi, pas ouais. du tout. Le président de la République, de mettre en danger le président de la République. À votre avis, quelle est cette appli et pourquoi met-elle en danger? C'est un truc de localisation. Alors c'est ça. C'est intégré dedans, c'est pas du tout le but. Enfin, c'est dedans, mais il y a un autre but bien plus important que ça. C'est un truc de rencontre. C'est pas un truc de rencontre. Eh oui. Bah bon, on peut le donner. Non, mais la localisation, elle est quand même au cœur du truc. Strava. Ouais, c'est Strava. Exactement. Okay. C'est les trucs de course. Alors la France évoque d'ores et déjà l'affaire des Stravalix. C'est pour prochain Astérix. Oui, c'est ça. S'annonce excellent. On va se régaler. C'est l'Empire course. C'est Laurent Gérard qui l'écrit. Il avait écrit lequel? Lucky Luke. C'était Lucky Luke qui l'avait écrit, Laurent Gérard. C'est vrai ça, ouais. Ouais, on oublie des fois. Nicolas Canteloup avait écrit Is No Good. Oh là là. Ah, mais il y avait une période que les gens ont oublié là, mais vous passez le nez devant l'histoire. C'est ça. Une enquête du journal Le Monde a en effet permis de mettre en lumière la fragilité de la protection présidentielle en raison de l'utilisation fréquente et imprudente d'une application sportive par les gardes du corps du président, Strava, que j'utilise également et qu'effectivement. À un moment, je savais pas que c'était public. J'ai mis un peu de temps avant de comprendre. Par défaut, c'est public. Par défaut, c'est public, mais je savais pas. Alors que t'es un gros geekos. Bah oui. Et super sportif. Mais en plus. T'es pas tant geekos, quoi. Moi, je suis pas geekos, pas du tout, en plus, moi. Mais justement, je suis tellement pas geekos que je savais pas que c'était public. Et effectivement, bah, je partais de chez moi pour faire des tours, donc tu vois exactement où j'habite, quoi. Enfin, Le Monde a identifié les profils de 12 agents du groupe de sécurité de la présidence, responsables entre 2016 et 2024 d'avoir involontairement partagé plus de 100 déplacements d'Emmanuel Macron et de François Hollande en France ou à l'étranger. Invité à agir, l'Élysée a quand même relativisé l'importance de ces révélations et la menace réelle, puisqu'en gros, le président va toujours quand même dans des endroits un peu sécurisés. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu sais que le garde du corps court ici que d'un coup, tu peux atteindre le président. Quoi. J'ai envie de faire un petit truc avec vous. Est-ce que combien de temps vous passez sur votre téléphone par jour? C'est une info que j'ai envie de savoir. Beaucoup. Vous pouvez peut-être même regarder. Je pensais qu'on allait partir sur le sport. Non, mais là, c'est humiliant. Je vous ai attrapé. Mais ça va être humiliant pour moi. Moi, je pense que je suis sur du 6 heures de temps d'écran. Ah ouais? Mais alors attention, parce que toi tu fais pas mal de vidéos sur Insta, ça, oui. Ça rentre aussi. C'est mon métier. Alors encore une fois, je t'entends. L'audition n'a pas été perdue entre les deux questions. Non, non. Non, alors, mais c'est attends, vrai, déjà, le montage, tout ça, tu le fais sur le téléphone. Ouais. Oui, c'est ça. Ça aussi. M'arrive sur le téléphone. Oui, de toute façon, je mets les sous-titres et tout. Mais ouais. En vrai, c'est un peu une excuse. D'accord, c'est pas grave. Je mets beaucoup dessus. D'accord. C'est où déjà? Ah non, 3h, ça va, 3h30. 3h30, il est 14h. Réglage et il y a ton écran. Attends, c'est écrit moyenne quotidienne. Ah oui, non, moyenne quotidienne, 3h. Aujourd'hui. Pour les métiers qu'on fait. C'est pas si pire. On est des créateurs de contenu. Bah, oui, bien sûr. Moi, je suis à 2h30. Ah, voilà, attends, oui. Ouais, ça me paraît pas fou. Mais j'utilise beaucoup tout ce qui est montage et tout. Je fais sur ordi, moi. Donc, c'est ça. Mais là, en ce moment, je supprime Instagram tous les deux jours pour justement ne pas. Ah ouais? Ouais, ouais. Mais en plus, je trouve que ça. Quand, parce que vous êtes toutes les deux en train de faire un. Enfin, vous jouez. Un buzz déjà. <c'est> pas... N'aie pas peur des mots. Quoi. Les deux meufs du buzz, hein, c'est comme ça qu'on oui. vous appelle. Non, mais je veux dire, vous jouez et tout. Est-ce que vous êtes assez addict à regarder les avis, voir les MP, les gens qui ont vu le spectacle? Qui regarde, qui machin, c'est. Oui. Bah oui, mais c'est normal. Ouais. C'est un truc qui vous. Ouais. Bah quand je... En fait, je le mets pour quand je dois faire de la promo et quand je dois reposter des gens après le spectacle. Et sinon, j'essaie. En fait, maintenant, je suis vraiment psychopathe de l'organisation, mais j'ai mon planning sur les 3 prochains mois de ce que je poste quand. Ah. Et donc, tous les jours où j'ai un truc à poster, bah, je retélécharge Instagram, je poste et puis je m'en vais. Ah, tu ouais. bouffes de la data. Moi. Si je puis me permettre. Hein. J'engloutis de la data, telle une grosse margarita. Mais du coup, t'as supprimé genre TikTok, les trucs comme ça parce que... TikTok, j'ai jamais accroché. Donc, ouais. Je l'ai, mais je l'enlève pas parce que de toute façon, je m'en fous. Tu n'y vas pas. Non. Ok. TikTok, toi, ça va comme toi. Ah ouais. Je poste mes trucs et je vais jamais dessus. Et moi, en plus, je sais même pas les poster bien. Donc, des fois, il y a un de mes sketchs et dessus, t'entends. Bop, bop, bop, bop. Oui, tu maîtrises pas l'outil, pas tu du veux tout. Dire. Pas c'est du ça. Tout. Mais cela dit, moi, même quand je vois Instagram, je me dis, je suis. Ça y est, trop. Les sous-titres. Parce qu'à un moment, donc, il y avait la promo du film Les Leroy. Et je voulais mettre des sous-titres, mais j'ai galéré vraiment comme un malade sur InShot. J'imagine que c'est un peu oui, l'appli ça, que. Ou CapCut. Non, c'est CapCut. Ouais. CapCut. Ouais, ouais. Mais c'était le bordel, ça comprenait rien, il y a des fautes d'orthographe partout. D'ailleurs, il y a beaucoup d'humoristes qui s'en battent les yeux. Ah oui, incroyable. Des fois, il y a vraiment. C'est pas si dur de modifier les. Ça se fait. Moi, maintenant, je paye quelqu'un pour le faire parce que ça prend un temps, mais de zinzin. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais. Bah, moi, je mets. Mettre les légendes automatiques. Ouais. Donc, ça met le truc automatique. Après, oui, ça fait n'importe quoi souvent et après, je retape. Tu changes un peu, le texte. Ça, tu clean. Exactement. Au final, c'est clean quand même. Voilà. Bah, juste mettre les bonbons, quoi. Ah, juste ouais. cleaner, quoi. Et parce que finalement. Des fois... T'es sur combien de temps, Adrien, toi? Non, mais c'est pas. Moi, je comprends même pas comment c'est possible. En vrai. Puisque c'est plus de 24 heures. Et là, non, c'est quand même 9h30. Depuis ce matin, en moyenne ou depuis en ce matin? En moyenne. Ah ouais, 9h30. Je comprends pas comment c'est possible. Mais est-ce que des fois, il n'y a pas aussi ton ordi? Oui, des fois, il y a ton ça. Ordi avec, non? Non, je pense pas, non. C'est beaucoup. Non, je crois pas. Top appli, appli la plus utilisée? Insta, WhatsApp. Ça doit être Insta. Marmiton. Strava. J'aimerais. Cela dit, des fois, moi je m'étais fait ken, genre avec YouTube, quoi. Ça arrive, je mets une vidéo en fond, ça dure une heure et demie. Ça va vite, hein. Oui, c'est Insta. Insta. Ah, mais ça prend l'iPad aussi. Ah, tu vois, ça y est, on gratte un peu. Ça prend l'iPad parce que la deuxième, c'est Procreate, le logiciel de dessin. Voilà, non, mais voilà, on est rassurés. Tu crées avant tout. Après, c'est 13 heures d'Instagram, 2h40 de Procreate. Oui. C'est 13 heures. Pas par jour. Hein, juste aujourd'hui. Oui, bah. C'est. Enfin, je sais pas comment. Non, c'est. 13 heures, c'est pas possible. Non, c'est genre dans les 3 derniers jours, je crois. Tu dors. Comme il est 14 heures, c'est un peu. Je laisse tourner en boucle quand je dors, ça me laisse. Mais moi j'ai déjà. C'est comme ça qu'Anna a des vues. Ouais. Non, mais il y a des gens qui l'ont vraiment comme un réflexe aussi, hein, qui check le téléphone et tout. Ah moi, à un moment, j'avais un peu moi, ce truc-là aussi. Peu, ouais. Moi, ça y est, je suis devenu. On s'est beaucoup moqué de InoxTag, et attention, un peu à raison, hein. Mais il a dit un truc dans une interview où je fais ça depuis. Le fait de laisser le portable en dehors de la chambre et de prendre un petit réveil, d'aller quand je vais au resto aussi avec des potes ou avec ma meuf, de pas prendre le téléphone, bah mine de rien, c'est vraiment. T'avais pas ton téléphone Non. Ah ouais. Ah non. Et d'ailleurs, quand vous êtes tous sortis dehors pour prendre l'air, j'étais genre, ah bah là c'est con. Parce que... Tu peux venir avec nous. Oui, mais bon, j'avais pas froid, mais enfin j'avais pas chaud, mais c'est vrai que j'avais un mais truc. Tu veux de... pas te mettre à fumer? Oui. Peut-être faudrait que je me mette à fumer. Peut-être faudrait que je remplace l'addiction au téléphone. Moi, premier degré, des fois j'ai envie de fumer juste pour faire quelque chose. Ouais. Parce que les gens ils sortent et je suis là, moi aussi je veux faire une pause. Mais tout le monde ne sort pas, c'est quand même si. Non, beaucoup, mais je sais pas, beaucoup. Juste, tu vois, t'as un truc que tu fais de temps en temps et t'es content. Ouais, et moi je veux ça. Oui. Il y a la masturbation, mais au resto c'est non, moins. Ouais, non, pas au resto. Ouais. C'est vrai que ça peut être chiant. Pas sur le trottoir. Oui, voilà, c'est ça. Un jour peut-être. Le fumeur est leader. Je me suis rendu parce qu'on est allé, on a fait une, c'est une vraie phrase que je vais déposer à l'INPI. Le fumeur est leader. Non, mais parce qu'on était au resto avec Adrien et quelques potes samedi dernier, et dès qu'ils disaient, oh, j'allais fumer une clope, tu vois, il y a eu un truc de, je fais, oh putain, Alors, ça c'est un vrai leader. Il y a aussi qui faisait 50 degrés dans le resto. Ah et donc, moi, je suis sorti juste parce que je crevais. Ah oui. J'étais en train de mourir. La peau se décollait tout simplement dans mon crâne. J'étais juste content d'avoir de l'air frais sur moi. Mais en revanche, moi, j'étais content d'avoir mon téléphone quand vous avez parlé pendant 45 minutes d'un film que j'avais pas vu. Ah oui, de l'amour. J'étais content de pouvoir faire autre ça, chose. Ça, il déteste. Et bah, partons sur l'amour ouf. Allez. Depuis quelques jours, le dépose minute, de l'aéroport de Dunedin en Nouvelle-Zélande arbore un nouveau panneau de signalisation. Qu'indique-t-il ? Est-ce que c'est par rapport à des animaux ? Pas par rapport à des animaux. Crocodile Dundin, tu veux dire ? Oh, toi, t'es trop con. Dundin Muffly ? Oh oui. Allez, Anna, t'es obligée, dis-toi un jeu de mots. Merci. J'ai aucune répartie. Ah, Dundin Oh, elle lui a soufflé. Elle lui a ghostwrité un bon jeu de mots. J'ai pas entendu. Bon ? Non, c'est pas grave. Ok. C'est pour autre chose que des voitures. Alors c'est lié aux voitures qui s'arrêtent effectivement, ouais. Mais c'est pas lié non à un problème sur les voitures. Est-ce que c'est une mauvaise habitude des gens, ils disent arrêtez de faire ça. Arrêtez c'est de... une habitude, je dirais pas que c'est une mauvaise habitude, pardon. De baiser. Ouais, de baiser à même dire. À même le parking. Dans la voiture. Écoutez, non, c'est pas ça. Ah. C'est pas ça. Ok. Ça baisse pas particulièrement en Nouvelle-Zélande visiblement. En tout cas, pas sur les déposes minutes. Est-ce que c'est un truc genre impoli mais que les gens font quand même ici? Je trouve pas ça impoli. Ah. Sur le papier, ça dérange pas tant que ça. Je pense même que c'est. Arrêtez de chanter. Arrêtez de chanter. Ils chantent en. Je ne sais pas. Ils font des TikTok. Ils font pas des TikTok. Mais c'est un peu. Est-ce que c'est quelque c'est chose insolite, qui. Ça, je te le cache pas. Est-ce que c'est quelque chose qui fait qu'ils prennent trop de temps et ça empêche les gens exactement. De se garer? Est-ce qu'Adrien trouverait ça méprisable? Non. Sachant que je suis intransigeant. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je prends des pincettes. C'est en gros, toi, non, tu dirais. Oui, je comprends, c'est bien, ce soit pas trop long non plus. Voilà, je pense que ce serait ça que tu dirais. Alors, je veux bien qu'on arrête de me prendre comme référence pour les trucs, les gens qui... Ah, est-ce qu'ils peuvent pas se dire au revoir trop longtemps? Alors, c'est ça, c'est un peu ça. Plus précisément, c'est les hugs. Pas... Ils sont rabat-joie à l'aéroport. Non, mais parce que là, c'est moins de 3 minutes. Ah oui, ça va. C'est très long, 3 minutes de hug. Alors, bah, franchement, ça dépend où elle va, ok? Alors, franchement, là, moi, vos petits jugements, en fait, tu vois, ça faisait des mois que je savais que ce moment allait arriver. Et là, en fait, c'est juste que, tu vois, c'était... Adieu. En Nouvelle-Zélande, effectivement, la limite du temps d'un câlin devient un débat national. Bon, là, ils en font des caisses, à mon avis, mais à l'aéroport. Câlin, quoi. Bah, le hug. Donc, quoi, si tu te hugues pas, tu peux rester 5 minutes, quoi. Je pense que c'est plutôt. Tu vois, c'est ce que raconte un peu l'article. Ils font l'un intéressant. Ah, bah, alors oui. Ouais, voilà. Alors, ça, je te le confirme à 200%. Voilà. À l'aéroport de Dunedin, les Néo-Zélandais ont ainsi eu la grande surprise de voir débarquer un nouveau panneau de signalisation à la dépose minute, c'est fou. Hein. Durée maximale d'un câlin, 3 minutes. Pour des adieux plus longs, veuillez utiliser le parking. Donc il y a quand même un peu d'humour, voilà, c'est rigolo, tout hein, de même. C'est en effet pour fluidifier le trafic. Mais l'aéroport néo-zélandais n'est pas un cas isolé. Comme le recense Le Parisien, l'aéroport d'Aalborg au Danemark a la même politique des 3 minutes. Mais cette fois-ci pour un baiser, kiss and goodbye, peut-on lire sur un panneau situé là encore au niveau du dépose minute. Voilà. Oui. Tu vois, si c'est trop long, ça y a besoin de fluidifier. Moi, tu vois. Mais 3 minutes, je trouve ça. Mais en fait, je trouve que ceux qui prennent du temps, c'est pas grave parce qu'il y en a aussi, ils vont se claquer la bise et voilà, tu vois. C'est... Ah oui, ça régule. Il y en a, ça c'est régule, des taxis, ça, régule, c'est, vrai. Ça part tout ouais, de suite. Et t'embrasses pas ton taxi. Si le service est particulièrement bon. Oui. Ah, 5 étoiles. Il a une très mauvaise note sur Uber. Voilà, ça je vous le dis. Est-ce que vous êtes des gens tactiles, vous, avec vos amis, par exemple? Non. Est-ce que ça hug autour de la table? Oui, ça dépend lesquels. Oui, les amis proches. C'est vrai que moi, elle a jamais fait ça. Moi. C'est toi qui m'as tendu ton poing tout à l'heure pour dire bonjour. Mais parce que là, c'est l'humoriste. C'est... Les humoristes, ils font ça dans la zone de la force en faisant des doubles points. C'est pour avoir l'air cool. Moi, j'étais prête à faire une petite bise, quoi, finalement. Et puis, elle m'a tendu le poing. Non, vous en faites deux et tout. Oh, ah oui, c'est vrai, j'ai pas votre temps, là. Ah oui, ça, c'est vrai que tu viens de Belgique. Oui, bah oui. Et là-bas, il y a une et terminé bonsoir. À chaque fois que j'y vais, je me prends des vents. Parce que je veux tendre la deuxième. Une bise en Belgique. Une bise, ouais. Moi, ça, j'aime bien ça. Ouais. Mais moi, j'aime. C'est vrai que c'est plus simple. Post-Covid, moi, la bise peut être supprimée. Hein. Moi, c'est j'aime, chiant, la j'aime bise. Bien oui, le check. En vrai, hein, quand oui, même, en fait, soit on se fait un check, soit on se fait un câlin. Ouais. Mais je trouve l'entre-deux, il est ouais, chelou. La bise, je pèterai un câble. Ma soeur, elle habite vers Avignon. Ils font... Oh, what the fuck. Ils font 3 bises. Non, ça, bah, c'est, ça me. L'autre fois, on en a fait 4 quand même. 4 ? Pourquoi ? Non, mais 5-4, je crois que ça avait disparu depuis les années 90. Bah, pareil. Personne voulait te serrer. Ouais, 4. Mais attends, c'était à Paris ? Quelqu'un t'a fait. Il y avait la langue, donc 4. Ah, ouais. Kat, c'est une petite organe. Ouais. On fait un doodle. À Rennes, ouais. Oh là là, non mais non, non. Je crois que j'avais fait la bise 4 fois à ma meuf. Je crois non, non, mais ça n'a aucun sens. Mais à la limite, je trouve que 4, ça a plus de sens que 3. En fait, le chiffre impair te gêne. Il y a un truc bah, où il est non, parce que 1, je préfère, mais c'est du cas par cas, j'ai envie de dire. J'ai l'impression. Non, mais toi, t'es 3, comme moi, 3, t'aimes bien c'est... le tchèque. Le tchèque a quand même remplacé ça, c'est un bonheur. Très bien, très bien. C'est mieux, ça, ouais. C'est un bonheur. Tout aussi, quand même, malgré. Non, mais quand c'est mes amis proches, un petit câlin, un petit hug quand on les voit, quoi. Mais après, c'est pas collé aux gens, mais... quoi. Moi, je. Ouais, faudrait que je fasse un effort là-dessus, je le sens. Sachant que la dernière personne à qui je me suis dit, oh, allez, je lui fais la bise, c'était Natou pour le dernier Floodcast. Et une fois qu'on s'est fait la bise, il a dit, ah, je suis malade, je sais pas si c'est contagieux. Je fallait me le dire avant, ça. Surtout, fallait le dire avant. Ce qui est très marrant, c'est que ça fait. Bon, je suis malade, hein. Ah, bah là, vraiment, c'est à la seconde après le bisou. J'aurais aimé avoir l'info avant. Des scientifiques sont parvenus à faire quelque chose qu'on ne pouvait voir jusque-là que dans les films de science-fiction. À votre avis, quoi ? Un voyage dans le temps. Arrête tes conneries. La téléportation ? Non. Tout est quanti. Ça nous a bien coupé chier le souffle. Dans le passé. Attends. Non, alors, ouais. Non. Non, ça n'a pas d'intérêt. La chier dans le futur. Ouais, dans le futur, ouais. Genre bon, je chie pas maintenant, mais je chierai en 2084. Attends, mais je sais pas. Attends. Eh ben non, bien sûr. C'est pas téléportation. Pour une fois que vous trouvez pas une réponse en moins de 10 secondes sur ce podcast. Non, attends. Pas la téléportation. C'est pas un truc de SF extrêmement connu. C'est plus que c'est complètement fou qu'ils arrivent à faire ça. C'est pas les voitures volantes. Ah, par j'allais exemple. Dire clonage. Une voiture. Pas clonage, non. Régénération des cellules, genre faire repousser un bras. Un non. Truc comme ça. Non. Faire disparaître un truc. Alors, tu t'approches. Ah. Mais c'est pas faire disparaître un truc. Ok. C'est pas exactement, c'est pas genre. Rendre un truc invisible. Alors ah. Oui. Une cape d'invisibilité. Pas une cape, un mais. Un costume. Pas un costume. Un smoking 3 pièces d'invisibilité. Des lunettes. Bah non, je. Non. Non. Mais attends, une boîte pour voir. Je sais pas, je. Non, ça rend juste tes yeux invisibles. Il a pas d'yeux. Non, vous inquiétez pas, je mettais des lunettes. Ce sont des lunettes. Ok, putain, je comprenais pas. Non, là on cherche l'habit, de la peinture. Quoi. C'est pas des habits. Ah, c'est une vitre. C'est pas de la peinture, mais on y est presque. C'est un truc qu'on mettrait un pour. Un liquide que tu. Du latex, du. Alors c'est pas un vêtement. Un tissu. C'est pas un vêtement. C'est pas une cape. C'est pas une cape. Juste prêt. Non, c'est une matière. Un brouillard. Il y a pas un brouillard. Non, mais je vais vous donner la réponse. Non, non, parce mais que attends, on y est là. Là, vous êtes pas loin. C'est un. J'allais dire un solide, oui. Alors oui, c'est un produit. Bah c'est pas vraiment. Oui, non, c'est pas vraiment solide. C'est de l'eau, un liquide. Tu te mets c'est dedans, pas un liquide, mais pas. Imaginez, je veux devenir c'est invisible. Du gaz. C'est pas du. Imaginez, je veux devenir invisible. Ouais. À votre avis, qu'est-ce que je dois utiliser pour devenir invisible ? De l'air. Pas de l'air, mais comment on prend, comment tu vois, de quel... Tu prends un j'en sais rien moi. Un médicament. C'est ça. Ou attends, c'est ça. Un médicament ingéré qui rend ta peau non. invisible. Attends, je comprends pas. Tu dis n'importe quoi. Seconde. Tu dis n'importe j'y quoi. Crois pas une seconde. Je vais vous raconter. C'est faux. Oui, oui. Ça, c'est débunké dans les DM une heure après la sortie. Ça. Des chercheurs. Attends, en parlant de DM très vite fait. C'est pas de notre faute si Deezer ça bug. Voilà, arrêtez de m'envoyer oui. des messages. Voilà, ouais, mais apparemment les podcasts sur Deezer, je sais pas si t'as ce problème, Fanny. Non, moi j'ai avec Spotify, ils mettent les mauvaises miniatures. Ah ouais. Salut. Ah. Nous, je suis ça va, mais Deezer, ça coupe des fois mieux. C'est pas notre faute, voilà. Très c'est souvent, voyez avec Deezer, c'est pas nous qui gérons. Et j'ai croisé quelqu'un qui bossait chez Deezer et qui m'a dit ah, mon boss, il adore le Floodcast. J'ai envie de dire oui, bah fais quelque chose du coup. Pour... donc oui, des chercheurs sont parvenus à rendre la peau de souris, évidemment. Ah, les toujours elle. Ah, mais attends, oui. C'est toujours la peau qui est invisible. Donc oui. Après pour donc, la médecine, génial. Et ben c'est là où on y arrive. Ah donc tu vois juste des organes des de organes. Souris qui courent. Le coussin péteur, tu peux faire. Horrible. Ah bah allez, oui, effectivement. Ne mentez pas. Donc oui. Rendre la peau de souris transparente pour voir à l'œil nu directement l'intérieur de l'animal. Une découverte très sérieuse puisqu'elle a été annoncée par la revue spécialisée Science. Oh non, mais non, non, c'est très sérieux, c'est le nom du truc. On dirait Vincent Adult Man dans BoJack. Cette promesse a été possible grâce au composant complètement un composant pardon complètement banal, un colorant alimentaire nommé la tartrazine qu'on trouve souvent dans les produits transformés comme les bonbons, les glaces, ça les donne chips. Envie d'en manger. Pour donner la couleur orange, les chercheurs l'ont dissous dans l'eau et ont transformé en gel. Tu te rends compte que ça a été écrit par un enfant cet article non, en fait j'ai pris des bonbons, j'ai mis dans l'eau, ça a fait une popote et puis on a donné à la souris, elle est invisible mais on elle voit juste ses petits poumons. Si c'est vrai, si c'est vrai. Dites pas que j'ai menti hein. En plus je dis complètement de la merde, c'est pas du truc un truc ingéré, c'est du gel en ils fait. Ils ont dit dans un magazine de science, comment il s'appelle Science. Ok, bon allez. Regardez, j'ai des lunettes donc croyez-moi. Donc oui, non, pardon, c'est pas un truc ingéré, c'est du gel, pardon, que tu peux te badigeonner. Ah, donc badigeonner sur la peau de souris. Celle-ci est alors devenue transparente en quelques minutes. Le gel a été testé sur le crâne, sur la cuisse, sur le ventre des souris. Les chercheurs ont pu donc regarder à l'intérieur du corps sans inciser et observer, par exemple. Donc ça aurait pu aider notre monsieur qui a fait une overdose et qu'ils ont ouvert alors qu'il n'était pas, tu vois. Regarder à l'intérieur du corps sans inciser, observer par exemple les vaisseaux sanguins en mouvement. Attends, qui vont il circuler. Faut épiler les souris. Les sourcils. Est-ce qu'il faut épiler les souris Parce que les poils, enfin c'est pas la peau. Bah oui. Sans vouloir. Il faut les épiler et leur mettre le gel. Oh là là. Du gel dépilatoire d'abord, puis du gel d'invisibilité ensuite. C'est ça. Ça fait beaucoup. Vous bossez chez Science ? Oui, je suis scienceur, oui. D'accord, très bien. Je m'appelle docteur. Donc ce processus est réversible hein, quand même, c'est pas à vie qu'on voit dans ton corps. La peau reprend son aspect initial quelques heures plus tard, un peu comme de la biafine, tu vois, tout simplement. D'accord. Ça boit, tu vois, la peau boit. Sur l'homme, ce gel pourrait permettre de regarder ce qui se cache derrière nos grains de beauté, par exemple, et détecter plus vite les cancers de la peau. L'avantage, c'est que c'est simple à utiliser et pas cher. Cependant, la peau des souris est 10 fois plus fine que la nôtre, oui. Donc les scientifiques ne sont pas sûrs de pouvoir en mettre 10 fois plus. Putain, mais je suis science man, bah oui, c'est vrai, docteur science, on m'appelle. Selon cette étude, le produit ne permettrait de voir qu'à quelques millimètres de profondeur chez l'homme. Mais je me dis, si t'as peut-être un cancer de la peau, est-ce que t'as vraiment envie de mettre un gel c'est clair. Dessus c'est de colorant de bonbon. Mais oui. Vous avez un cancer, mais c'est causé par nous. Et là, malheureusement, on l'avait pas avant. Est-ce qu'il y a un super pouvoir qui vous ferait kiffer, un truc que vous aimeriez, parce que Anna, t'as un peu un super pouvoir. J'ai fait quelques recherches. Ah, le truc de la mémoire. Tu es hyper amnésique. Ouais, mais c'est pas chercher loin. Ah, bah, c'est pas mal quand même. Ah, je trouve ça. Tu m'aimes pas trop, donc. Non, mais il a pas cherché loin parce que c'est une des premières infos. Oui, oui. Moi, je t'adore. Ah, moi, t'es ma miss préférée. Oh, ça fait plaisir en fait. Non, j'ai une très bonne mémoire. T'as une très bonne mémoire. Mais c'est pas le meilleur super pouvoir de la Terre, je pense que. Bah. T'es avec deux personnes qui perdent totalement la boule et la mémoire, donc oui, c'est pratique, c'est vrai. C'est pratique. C'est très pratique. T'aurais pu faire les loups-garous, le jeu là. On m'a proposé. Ah bah, c'est parce qu'il y a une personne hyper amnésique dedans. Oui, j'ai passé le casting. Est-ce qu'on m'a vu dans la série? Non, ils ont même pas pris le temps de me dire non. T'as deviné quoi, voilà. Bah, c'est vrai que quand j'ai vu le programme sortir, je me suis dit tiens. Bah, t'es hyper amnésique. Tu t'es dit, attends, je me souviens que je l'ai pas tourné. Bah, oui, ça avec les castings aussi. Ou les potes qui me disent, j'ai un rôle pour toi, et après le truc sort, tu fais, ah bah, pardon. Ah, il a oublié de me redire. Bon. Mince, j'ai merdé sûrement. J'ai perdu mon contact. Non, parce que moi qui n'y connais absolument rien, en hypermnésie, ça se formule comment dans ton cerveau? C'est genre des images ou c'est absolument tout ce qui est mémoire? Désolé, c'est peut-être un peu relou. Non, hein, mais c'est ça, juste que mais ça je ne saurais même pas trop te dire. C'est beaucoup les dates, toi? C'est beaucoup les dates. Par exemple, bah, toi, ouais. T'es né le 11 juillet. Quelle année? 1994. Absolument. Voilà. Wow. Ah ouais. Tu vois, ça aurait été terrible que tu te trompes. Je retiens toutes les dates, mais pas les bonnes. Non, mais ouais, je sais pas pourquoi je retiens les dates. Je sais pas du tout pourquoi. Et tu pourrais peut-être faire un jeu télé et ramasser max de thunes. C'est vrai. Outre les loups-garous. Je pense, oui. Parce que là, vous êtes avec Panayotis et Farid, mais un bon Reichmann. Jean-Luc. Mais j'allais dire justement. Ah, mais attends, mais genre, n'oubliez pas les paroles. Ah, parce qu'en plus, je suis une énorme ringarde. C'est vrai. Parfait, ça. Allez. Tu connais bien les paroles, par exemple? Non, bah, non. En vrai, là, comme tout le monde, je pense. Pour ouais, le coup, c'est ça. C'est surtout un peu. Attends, si je te dis qui ça? Non, bah, forcément. Mais là, elle est pas hyper musique, elle aime juste la fête. Oh, elle aime juste faire la fiesta. Je suis une énorme fêtarde, quoi. Enfin, je pense que ça se voit sur ma gueule. Mais c'est très autobiographique en fait. C'est beaucoup des trucs sur toi, quoi. Ouais, voilà, des trucs qui te sont arrivés. Et la date de naissance de Fanny Rue. Oui, et la date de mort de David Bowie aussi, j'ai vu. Parce qu'à un moment, tu racontais l'anecdote et ça me fait marrer parce que tu dis, il est mort telle date. C'est, et beaucoup, tout, et c'est trop marrant parce que j'en parle un peu dans le rodage de mon spectacle. Enfin, dans mon spectacle, c'est que je retiens les dates de naissance, mais des stars, mais un peu nuls aussi, des fois. Des gens David random, Bowie, quoi. Tu le détestes. Non, je l'aime bien, c'est pas une star nulle, David Bowie. Date de naissance, elle n'avait pas dit date de. J'ai pas la mort. Date de naissance. Elle a la date de mort que de gens très stylés. C'est ça la différence. Michel Berger. 2 août 92. Je lui donne l'info. Voilà. Et là où elle est très forte, c'est qu'elle a les dates de mort des gens qui sont pas encore morts. Exactement. Elle a les nôtres également. Oh non, qui est chaud. Michel Berger qui faisait un tennis avec la femme de Gérard Rolls. Ah oui, je suis pas hyper amnésique, mais c'est mort, la vérité. Mais t'as des petits savoirs inutiles comme ça. J'ai des petits trucs aussi. Je suis hyper ringard, moi. C'est fou, je suis tombé sur une émission sur France 3 où ce genre d'anecdote aurait été parfaite. C'est un truc qui s'appelait Samedi dans Rire ou un truc comme ça. C'était il y a 17 ans. C'est clair. Non, mais il y avait un gars, il disait alors j'ai une anecdote en fait, et c'était que de comme ça. Genre, Eddie Mitchell a fait du ping-pong. C'était Claude Pieplus. Eddie Mitchell a fait du ping-pong avec Sheila. Et voilà, et c'était... J'adore ça. Moi, je peux rester très longtemps devant ça. Bah, Jean-Pierre Pernaut était champion de hockey sur gazon, je crois. Je crois. Ou alors il en a fait à haut niveau, mais un truc comme. Ouais. Peut-être il s'est fait les croisés et il a pas pu passer. Et après pro, il est allé chez France 3. Mais voilà. Tu taperas Jean-Pierre Pernaut hockey sur gazon. Oh, j'ai envie d'essayer. Je suis tout assez de suite. Sûr. Putain, attends, hockey sur gazon. Ou curling sur gazon. Ça, en tout cas, ça arrive très vite. Voilà, c'est, ça. C'est ça. Pilote auto. C'est parce que le podcast est en direct. Champion de hockey sur gazon, Cancre au lycée, voici Jean-Pierre Pernaut. Putain. Cancre au lycée, gamin. Ah, pardon, t'es Cancre au lycée, gamin. Tous les gens qui percent étaient Cancre au lycée, si je peux me permettre. Oui, c'est ça. J'ai l'impression. Et tous les humoristes étaient. J'ai pas percé. T'as pas percé. Non, non, tu regardes. Et le clown, évidemment, les humoristes, c'était le fameux clown. Le petit clown de la classe. C'était le clown, je faisais un peu rire les copains. Non, maintenant c'est plus j'étais harcelé. Ouais, le truc qui ressort plus. Moi, c'est vraiment, tout le monde dit j'étais harcelé. Ça existe plus les petits clowns? Non, parce que maintenant. Je les connais pas, quoi. Ouais, non, ou alors les clowns, c'est peut-être. Maintenant on sait que c'était juste les harceleurs, les clowns. Ça, exactement. Donc, oui, est-ce qu'il y a un super pouvoir qui vous ferait kiffer? Voler, être invisible. Voler, c'est trop bien. Voler, ouais. Ah ouais? Ou se transplaner. Téléporter. Harry Potter, mais ah oui, téléporter, ouais. Stylé. Bah. Parce que voler, moi j'ai un truc de. Si c'est long, c'est relou, tu vois. Oh, ça doit être Genre, tu peux courir. Il n'empêche qu'au bout de 10 minutes, c'est chiant de courir, tu vois. Alors, voler, tu peux t'ennuyer. Prends l'avion. Bah voilà. Mais ça pollue. Ça pollue. Et puis, c'est pas gratuit. Oh, bah là, je serais venu en volant, génial. Tu gagnes un temps fou. Non, mais vas-y, mais à volant, ce moment-là, téléporte-toi. Voilà, moi je trouve que téléporter, c'est ce que je viens de dire. Pour aller en tournée, je pense qu'il aime le fait de voler, par exemple. Ah, mais ça doit être trop bien. Ça dépend. Idéalement, j'aimerais les deux. Mais c'est marrant parce que Moguri du podcast Cozy Corner dit qu'il y a deux teams. Il y a les gens qui aimeraient voler et les gens qui aimeraient se téléporter. Et que ça dit des choses sur les deux personnes, quoi. Bah, moi, voler, je vois un effort à faire encore. Téléporter, il y a un truc de. Tu nages pas le crawl dans l'air, quoi. Bah, déjà d'une, t'en sais rien. Bah, peut-être fatigant. Si. Ça se trouve, c'est super fatigant de voler. Toi, tu imagines vraiment battre des ailes comme un oiseau. Non, quoi. Mais même si c'est Superman. Un jour de grand vent. Ouais, bah voilà, exactement. Ah, bah si c'est comme ça, je veux pas voler. S'il faut battre des bras comme un oiseau, c'est ridicule. Sans battre des ailes. Tu veux juste planer. Non, mais comme Superman, quoi. Tu voles et puis en plus, Superman, lui, il peut carrément remonter le temps. Moi, j'aimerais être Spider-Man, je pense. Ah, avec les tirer les toiles, ouais, ça doit être vraiment le feu à New York là. Ah, ouais. Tu veux juste aller à New York, toi. Ouais. Oui, parce que genre Mont Saint-Michel, moins stylé, c'est pas normal. Je veux être rouge. Je vais aller à New York. Fanny, un pouvoir qui te fait kiffer. Est-ce que lire dans les pensées, moi par exemple, des fois. Non, jamais. Même si tu décides quand le faire. Si, quand tu décides. Bah, moi, oui. Ah, non, parce que je sais que je le ferai tout le temps. Ouais, mais non, bah. Moi, je vais partir en parano de ouf. Mais c'est comme quand tu disais, tu m'envoyais des screens de ce que les gens disaient sur le podcast sur Twitter. Et je te disais, je veux pas savoir. Parce qu'après, moi, je. Vous inquiétez pas. Non, parce que je sais que moi, après, je m'engueule dans ma tête avec la personne pendant une semaine. Donc, je veux pas savoir en fait. C'est ça. Et alors, si je lisais les pensées, ce serait horrible. Ah, ok. Non, moi, si tu décides. Mais je pense que c'est comme toi, je le ferai une fois et après je ferai. Ouais, non, bon, en fait, c'est faut horrible. Que j'arrête. Oui, non, c'est ridicule. Bah, mais genre, t'as un self-control de fou, toi. Bah, ouais. Non, donc, ouais, Fanny. Non, voler, je trouve ça vraiment trop haut. Ouais, je comprends. Je peux l'entendre. Tu peux voler à ras du sol, hein. Bah, oui, ouais, mais alors, t'as la circulation tout pareil, ouais, tu vois. Donc, marche, autant marcher. Au-dessus des voitures. Il y a des camions. Ouais, bah, oh là c'est là, vrai, mais compliqué. Que de problèmes. Elle voit tout de suite le négatif, Fanny. Je dirais, merci. Je dirais se téléporter, du coup, comme ça. Téléporter, très bien. Téléporter, c'est bien. Le temps de zinzin que tu vas gagner, quoi. Moi, j'ai c'est un clair. Peu un truc masculin aussi de la super force, un peu stylée aussi. Non, mais moi, j'aimerais bien la super force juste pour mettre des coups de poing dans les voitures qui essaient de mettre un coup de pression au passage piéton. J'ai cru que c'était dire les voitures qui volent. On est où là? Il est dans son petit scénario là, il est dans son petit univers. Non, mais oui, des fois, voitures qui te frôlent un peu là. Tu sais, qui essayent de mettre des coups de pression et juste faire bam, un gros coup de poing dans le pare-choc et la voiture elle. Pff, moi, je sais pas. Sa voiture. Je veux pas blesser qui que ce soit. Ma vie à me dire, j'aimerais bien avoir du charisme quoi et oser. Je me dis, si je vois quelqu'un le faire. Je trouverais le gars un peu stylé quand même. Oui. Moi, j'adorerais taper quelqu'un avec une chaise. Ah ouais, ouais. Faire du catch finalement, tout simplement. Oui, mais moi, ça me fait l'effet inverse. Quand quelqu'un m'énerve et qu'après j'imagine qu'on s'engueule, ça m'énerve encore plus. Ça me calme pas du tout. Ouais, pareil. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. C'est que je m'embrouille vite fait avec quelqu'un et après j'imagine tous les arguments qu'il va me dire. Alors que, et d'ailleurs, souvent, Après, tu parles à la personne et il fait oh non, non, mais c'est oublié, tout va bien. Et je fais ah. Non, parce qu'on s'engueule depuis une semaine, en fait. On s'engueule depuis une semaine en fait. Un nouveau type d'arrêt du travail a été proposé par des députés aux Philippines. À votre avis? Ah, je sais, attends. Ah, elle l'a vu passer. Ah, si, c'est quand tu te fais larguer. Très bonne réponse. Et oui, quand tu en cas de rupture. Ouais. Aux Philippines, un député, Lordan Swan, parlementaire de Cagayan, encore une fois, désolé pour les accents, les trucs, dans le sud du pays, vient même de déposer un projet très complet pour prendre en charge les chagrins amoureux. Il explique que les ruptures et les divorces ont un impact négatif sur le moral des individus. Ah bah oui. Mais il a bossé, oui, là. Hein. Il a bossé, là. Hein. Parfois, on est un peu grognon. Là, hein. Des fois, on mange de la glace en regardant des comédies romantiques. Ça arrive. Et donc, bref, les personnes concernées sont moins concentrées au travail, moins productives. Elles contribuent parfois à augmenter l'absentéisme dans les entreprises et les services publics. Ah oui, donc c'est vraiment pas par générosité. Non, pas du tout. Ah non, ça reste. C'est pour l'entreprise. C'est ça. Pire, leur mal-être, s'il n'est pas pris en compte, peut déboucher sur des maladies et contribuer au final à creuser le trou de la sécu. Voilà. C'est ce que dit le député. D'accord. Ah bah oui. Okay. Mais attends, s'il n'est pas pris en compte, du coup, il prévoit de prendre en compte la santé mentale des gens ou... Mais plus. Ah bon, c'est juste non, ça, juste on s'en fout, congé, c'est calmos. Ah, parce que juste un congé, c'est pas. On pourrait donc, selon ce député, proposer un arrêt maladie spécial rupture amoureuse. Le projet de loi parle pour l'instant de congé non payé, donc quand même. Oui. Okay. C'est pas ouf, quoi. C'est pour payer ton psy, là. Tu auras zéro argent. Bah après, c'est les Philippines, même la sécurité. C'est au prorata de la durée de la relation. Ouais, l'importance qu'elle a eu à tes yeux. Oui, parce que sinon si. Tu. Ouais. J'avais, en fait, j'avais écrit un. Parce que j'ai écrit encore pour la radio. D'accord. Et j'avais écrit un truc sur ça. Ah ouais. Et c'était au prorata soit de la durée, soit de l'âge de la personne ah qui s'était larguée. Ah, si elle est mineure. Ah non. Moins de 25 ans, c'était genre 3 jours. En plus, c'est genre 3 jours. Tu sais, tu te remets pas d'une rupture en 3 jours. Surtout quand t'as moins de 25 ans. En fait, c'est plutôt l'inverse, ouais, j'ai l'impression. Quand t'es jeune, t'as beaucoup plus de mal parfois à te remettre. Après, tu travailles pas si t'es mineur normalement. Non, mais pas mineur. Non, mais à 25 ans. Voilà. 25 ans. Quand même. Ah ouais? Je sais pas, j'en sais rien. Est-ce que vous auriez eu besoin de ça, vous, un moment dans votre vie? Moi, je trouve que le travail m'aide un peu des fois à penser à autre chose, justement. Ouais. À être un peu après, en mode. Après, j'ai un travail passion. Enfin, oui, c'est, oui, voilà, mais bon, enfin, moi, j'ai eu ça. Il y a eu des moments où ça. Bon, quand ma mère est morte, par exemple, oui, j'étais en plein en écriture d'un truc, donc j'ai pas pu y penser. Donc, effectivement, t'y penses pas sur le moment, mais dès que t'as fini, après. Tu. Oui, bien sûr, tu replonges tout de suite. Ouais, bien sûr. Toi, Fanny? Non, moi je pense que le taf et rester occupé ça aide vachement. D'ailleurs, moi ma rupture, j'ai une rupture en genre février 2020. Ok. Et donc juste après, il y avait le Covid. Ouais. Et donc j'ai passé 4 mois seule dans un appartement. Et là, c'était chaud quoi. Ouais, t'as et fait donc, ta joie en dur. Que, ouais. Donc sortir, je pensais pas plus mal. Maintenant, laisser le choix aux gens en fait. Parce que peut-être que t'as ça, envie de passer 2 jours à chialer ta grosse race pour vraiment vivre le truc. Ouais. Et après t'y vas, ou peut-être qu'il y en a, ils préfèrent avoir la tête dans le guidon et voilà quoi. Selon un sondage, un médecin sur 5 le ferait, à votre avis, de quoi je vous parle? On revient un peu Le coussin péteur. Le fameux. Mon c'est légal. Soigner efficacement. Alors c'est légal, mais ça pourrait être un truc qui peut ne pas l'être. C'est une relation intime avec ses patients. Non, ça. Est-ce qu'il n'y a pas une protection? Bah voilà, c'était ça. Ma... Dans le serment d'Hippocrate, est-ce qu'il n'y a pas marqué genre du don? Est-ce que ça implique des médicaments, de la drogue, tu vois, qui refilent des prescriptions et tout? Ah non, c'est pas ça. Ah. Est-ce que c'est quelque chose qui se passe pendant l'auscultation, pendant le rendez-vous, quoi? Alors, ça peut être pendant le rendez-vous, mais c'est pas sur la manipulation des physiques. Non, ou non, de, mais voilà. Pendant le rendez-vous, quoi. Ils peuvent le faire pendant le rendez-vous, mais ils peuvent le faire aussi après le rendez-vous. Après, okay. Ça implique donc les patients. Exactement. C'est les appeler pour savoir comment ça va. Mais en numéro inconnu. Alors, le rhume, là, ça va mieux. C'est un truc avec des ordonnances. Alors, ça peut être lié aux ordonnances. Ça peut être lié aux ordonnances. Ah, est-ce que c'est genre donner des trucs sans avoir vraiment vérifié ce qu'ils avaient, genre ils auscultent pas et ils... Alors non, ça ils auscultent, mais c'est un truc assez récent, c'est un truc qu'ils pouvaient pas faire il y a ils stalkent sur les réseaux. Ils utilisent ChatGPT pour faire un diagnostic. Apparemment, très bien. Selon un sondage. Très très bien ça. Mais pourquoi très bien? Mais toi t'es un. Parce qu'ils sont nuls sinon. Moi j'y vais pas. Mais t'imagines, mais 8 ans d'études. Un docteur sur 5 quand même. Minimum. Une enquête menée auprès de 1000 médecins. Alors attention, 1000 médecins, c'est pas non plus. Ah oui. 1000 médecins généralistes est paru le 17 septembre 2024 dans la revue scientifique Science, encore, non pas du tout, BMJ, qui révèle ainsi que 20% des interviewés utilisent des outils d'intelligence artificielle générative comme ChatGPT, Bing AI ou Bard de Google. Alors Bing, ça va trop loin. Non, pas Bing. Là, c'est mort. Je pose le pied au sol. Dans leur pratique clinique, lorsque plus de précisions leur ont été demandées, 29% parmi ces répondants ont expliqué s'appuyer sur ces services pour générer de la documentation après un rendez-vous, tandis que pas moins de 28% d'entre eux s'en servent pour suggérer un diagnostic différentiel. Un développement spectaculaire ces dernières années ont leurs biais et leurs limitations. Du côté des biais, par exemple, en octobre de l'année dernière, une étude choc de l'université de Stanford révélait que les chatbots avaient tendance à perpétuer des mythes médicaux et des préjugés racistes, comme le syndrome méditerranéen, présumant à tort que les populations d'origine étrangère, et en particulier les personnes d'origine africaine, ressentiraient moins la douleur que les caucasiens. Donc voilà, il y a quand même encore des limites à ChatGPT, donc l'utiliser, les IA s'appuyant sur rien de plus que ce que les humains mettent à leur disposition, et donc pas étonnant qu'elles portent en elles le biais que nous leur insufflons. Non mais après je rigolais, hein. Non, c'est un personnage. Oh, bien sûr. C'est un personnage. C'est mon personnage d'intransigeant fan de tech, mais alors que Perplexity, c'est beaucoup mieux. C'est quoi ça. Perplexity? Perplexity, c'est une IA qui justement fait des recherches. Elle fait des recherches sur plusieurs sources et après elle recoupe les sources. Ah, et elle fait Ça, mais c'est pas censé être déjà le principe de ChatGPT? Sinon, c'est inquiétant. ChatGPT, alors de base déjà, il faisait zéro recherche. C'est très récent qu'il puisse faire des recherches sur internet, puisqu'il avait une base de données qui était fixe, qui était effectivement basée, mais du coup c'est pour ça que ça s'arrêtait à 2021 sans savoir, un truc comme ça. Et depuis il peut faire des recherches, mais genre il cherche après, enfin, ou alors ça a été amélioré, mais il fait une recherche, il prend le premier résultat et il donne le résultat, et du coup il y a des IA qui recoupent plusieurs sources et tout quoi. Bravo à elle. Voilà. Vous utilisez ou pas du tout? Pas du tout. Non. Ah ouais. C'est pas du tout un réflexe. C'est pas encore dans votre quotidien. Non, non. Bah moi, tout à l'heure, je lui ai dit, cite-moi. Mais toi, tu lui parles. Ça, c'est le truc que j'oserais pas faire. Non, mais je suis seul. Non, mais j'ai fait un tournage avec Maxime Biaggi. Mais comme Siri. J'ai tourné avec Maxime Biaggi récemment et pareil, il utilise ChatGPT en mode je lui pose la question comme Siri, quoi. C'est juste qu'il n'utilise pas le clavier. Oui, oui. Après, moi, c'est vraiment je le pose et j'ai une discussion. Mais oui, mais bon. En jouant à FIFA. C'est un date. Je joue à FIFA et je parle avec ChatGPT. C'est le seul qui me comprend. Bon, bah voilà. Et j'en apprends belle sur le corail. Excusez-moi. Voilà. Mais je sais plus. Non, et je lui ai dit. Alors non, moi il y a un truc pour lequel j'utilise vraiment, c'est pour terminer cette phrase. je pourrais, non, en gros, pour je lui donne de la documentation sur des trucs sur lesquels je travaille, et en gros au lieu d'avoir à dire ah putain mais où est-ce que c'est écrit ce truc là, je dis cite-moi le truc que je cherche, tu vois. Genre tu lui files un PDF qui est immense. Ah mais tu peux faire ça aussi? Oui, tu peux faire ça. Okay. Et ça c'est très pratique parce qu'au lieu de te dire attends putain c'est quoi déjà, tu dis donne-moi toutes les infos qui traitent de telle chose. Mais quoi. Ça veut dire que tu donnes ton PDF à un truc et tu sais pas où ça va? Bah ouais. Ok. Je voulais juste être sûr. A priori, c'est pas utilisé. Enfin, je sais que ça, y a que moi qui peux le consulter le truc. Hein. Okay. Moi, c'est juste qu'il fait trop d'erreurs. En fait, c'est la dernière fois juste par pur ego, j'avais demandé parce qu'on m'avait demandé une biographie pour un festival et j'ai demandé à ChatGPT, peux-tu me faire une courte biographie de Florent Bernard? Ça a commencé par Florent Bernard. Bah tu vois, t'es plus doué, Anna, parce qu'il dit né le 21 décembre 89. Pas du tout ma date de naissance. Là, parce c'est le début, et ça, pas c'est sur Wikipédia. C'est littéralement partout, tu vois, ma date de naissance. Elle et est après, partout, partout. Ouais. Partout, bah, tout le monde en parle. Tout et après, je te l'avais faite avec Perplexity, et c'était déjà. Je t'avais lu. Oui, c'est mais toi qui as créé Perplexity. J'ai des parts. Mais il y avait des erreurs aussi. Sur les années de sortie de la flamme et tout comme ça. Un an près, c'est bon. Bah, ouais, ça joue si dans les années. On s'en fout de la flamme. Si ça aide, non, arrête de nous faire chier avec la flamme, ok. Si ça aide un docteur, un an près, ça peut être le genre d'erreur qui me met mal à l'aise, moi quand même. Il vous reste un an à vivre. Ah, et non, c'était deux jours en fait. Désolé, Perplexity. Là, tu l'as. Désolé. Des robots aspirateurs de la marque Ecovac ont pété un câble aux USA. Ah oui, j'ai vu. Bah, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont insulté leur propriétaire, mais ils ont été hackés. Donc c'est hilarant. Oui, c'est trop drôle. Et oui, plusieurs personnes ont signalé des incidents de piratage. Alors pour le coup, apparemment c'est un piratage. C'est pas l'IA qui a pété un câble. C'est vraiment des gens qui ont réussi à rentrer dans des aspirateurs. Du temps libre quoi, finalement. Mais en même temps, moi, si je savais le faire. Bien ça sûr. Ça remplacerait un ou deux de mes projets actuels. Mais il y a des trucs, on met tellement de temps pour des choses qui n'ont pas d'intérêt. Genre le fait que la Tesla puisse faire des bruits de paix. Ouais. Ah oui, mais ça moi, c'est un fume. Argument de vente. Je sais. Je sais. C'est fou, quoi. Mais moi, mon plus gros hack, ça a été de me connecter à une enceinte Bluetooth de Citadium et de mettre le florilège de Jean-Marie Bigard à fond. Un des plus beaux fous rires. Ouais, et de voir des vendeurs de chez Citadium essayer de trouver la source. Un peu désemparé. Ah, c'est trop avec marrant. C'est eux qui bouffent le cul d'une pute. Et d'avoir des. En plus, les, ils sont un peu stylés à Citadium. C'était très marrant. Ouais. C'était oui. Très, très rigolo à voir. Wow. Donc, oui, alors ces aspirateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait, j'ai eu l'impression que c'était un enfant, dit une personne qui a assisté à ce piratage. Je pense que c'était un enfant, peut-être un adolescent qui parlait, a déclaré aux médias australiens. C'était Samuel Etienne, je crois. Il a essayé de rallumer son aspirateur, mais s'est fait pirater une seconde fois. Dès lors, il l'a éteint et rangé au garage. Ça aurait été bien pire s'il avait décidé d'observer tranquillement ma famille à l'intérieur de la maison. Parce que oui, il y a des aspirateurs qui ont des petites caméras. Alors, bah, bien sûr, pour s'opérer. Bien sûr. Dans l'espace-temps, finalement. Un peu oui. Comme nous tous. Ne sommes-nous pas des robots aspirateurs de ce joli, monde hein. Ils ne volent pas encore. Les robots étaient pilotés de loin. Pardon. Les malfaiteurs ont très certainement profité d'une faille dans le connecteur Bluetooth qui permet un accès complet à l'Ecovac X2 à une distance de plus de 100 mètres. Mais donc c'est des voisins quoi. Vraiment c'est ses voisins quoi. Ça c'est un peu marrant. Essayer de savoir qui dans l'immeuble a piraté l'aspirateur. Ça c'est coolos. Mais ce n'est pas tout. Le système de code PIN protégeant le flux vidéo du robot et la fonction de contrôle à distance était également connu pour être défectueux. Donc ça a complètement niqué la marque en fait. C'est-à-dire que ce qui était censé être une petite blague de plaisantin, ils ont complètement fait tomber l'entreprise. En fait on est complètement à la ramasse sur tout. On peut se faire pirater extrêmement facilement. Ah ouais, dur. Donc ça c'est assez taillé. Mais moi j'ai peur de ça avec la. Il y a une caméra dans la chambre de ma fille et je peux me connecter avec mon téléphone et en vrai c'est un peu flippant. J'ai un peu un truc de. Est-ce que c'est vraiment sécurisé? Tu sais tous les trucs de caméra de surveillance et tout. Bah oui, moi j'ai parlé pour ma chienne moi. Ouais c'est ça. Moi je pense qu'on a la même. Il y a un truc où tu te dis mais c'est trop. Oui non mais oui. De quoi? Il m'a fallu du temps avant de comprendre que tu parlais de la caméra. Et donc j'étais là, mais c'est bizarre. Si t'as fait, c'est sa chienne. C'est quoi votre rapport, vous, à la technologie? Est-ce que vous pourriez... Déjà, est-ce que vous avez des petits gadgets, un peu, ou est-ce que c'est... Je pose pas la question à Adrien, parce que je sais que ça répugne, tout ça. Mais est-ce que vous avez l'aspirateur qui... Non. Robot, c'est un truc non, qui... Non, moi, ça m'a saoulé. En fait, t'as eu, quand même? Ouais, en fait, on m'en a offert un. Vexant, mais non, en fait ça marche pas bien et du coup ça m'a saoulé parce que vas-y je le fais moi-même, ça prend 10 minutes et ciao. Ça voilà. Je suis d'accord sur bon, maintenant je le fais pas mais il fait sale ouais. Mais sinon non bah j'aime bien avoir comment elle s'appelle Alexa, mon bureau et juste lui dire vas-y démarre la musique machin et... Ah donc t'as quand même ce truc de parler à haute voix, t'as la commande vocale quand même. Oui et même sur mon téléphone Siri, mettre les réveils et tout, je fais quasiment que comme ça. Ah d'accord, oh, putain moi j'ai pas du tout le réflexe. Toi tu as Alexa? Ah non, moi je suis une ringarde hein. J'ai à la limite un ordinateur portable quoi. Ah ouais. Écouteurs Bluetooth. C'est nul ça. Non mais j'ai rien de... Ouais t'as même pas les... À un moment c'était la mode de ça, les Philips connectés là. Ah oui. Tu mets la lumière bleue ou les trucs moi, ça me avec fait ton peur, téléphone. Ces trucs un peu là. Ah ouais. Ouais. Non mais je peux. Écoute... C'est vraiment des ampoules. Hein. Non mais je parle de. Oui et bah il y a des gens qui sont décédés. Elle va sortir la date de mort de Claude François. Attention. J'ai l'année. Mais non, je parle de plutôt genre Alexa et tout. Moi, ça me fait un peu bader ça. Moi, c'est le fait de parler à haute voix à un robot. Je sais pas pourquoi, j'ai un truc qui me... Je juge pas les gens qui le font, mais ça me bloque un peu. J'ai un truc de... J'adore. Je trouve ça un peu bizarre de parler à une machine, quoi. Ouais, mais en fait, moi, je n'ai aucun souci avec le fait que mes données soient quelque part utilisées par des gens. Ah, mais moi non plus. Alors là, oui, parce que ça, tu sais, les gens, ils sont là. Non, mais mes données vont être téléchargées. Tout le monde s'en fout. Calme-toi bien, Freddy. On s'en fout de ta vie. Là, ils savent que j'ai allumé la lumière à 19h. Oh, on a vu privé. Oui, c'est vrai. Mais c'est plus ce truc de parler à haute voix seul à une machine qui me fait me dire. Oh, pff. Oui. Non, mais. Et encore une fois, moi, je juge pas. Voilà. On parle déjà de nos animaux. À haute voix, comme s'ils allaient répondre. Donc, c'est vrai, franchement. C'est vrai. Un cambrioleur au Pays de Galles s'est fait attraper assez bêtement. À votre avis, comment s'est-il fait choper? Il s'est fait arrêter par un aspirateur automatique. Alors, attends, c'est pas ça, mais dis-toi que c'est... Ah, c'est un Alexa, genre Pas Alexa, non, c'est pas un robot, enfin, en tout cas, c'est pas une machine. Ah, est-ce que c'est les sonnettes où il y a une caméra dedans? Non, c'est vraiment de sa faute. Est-ce qu'il a fermé la barrière? Il a pas fait un selfie, il a pas fermé la barrière. C'est Strava. C'est avec son téléphone? C'est pas avec son téléphone. Est-ce qu'il a utilisé quelque chose dans la maison? Oui. Ah, la balance? Pas la balance. Ah oui, un truc comme ça, ça serait vraiment très coquet. J'ai quand même un peu pris. Attends. Il est passé devant un miroir, il fait « Oula, attends, quoi ?» Il a utilisé un truc dans la maison. Plusieurs trucs. Un truc connecté? Pas connecté. Attends, est-ce que du coup, il a laissé son ADN? Et c'est comme ça qu'il l'ont chopé? C'est exactement ça comme ça qu'il s'est fait choper. Ah, il a mangé. Il a pas mangé. Un glouton. Il a dormi. Il a fait pipi? Il a pas fait pipi. Il a fait une sieste? Ah, il a fait une sieste. Pas branlé. Non. Non. Là, je sens que l'anecdote a perdu 30% de son intérêt. Non. Mais un truc que normalement tu fais pas quand tu cambrioles, j'imagine. Non, mais qui est un truc très basique de la vie. Une douche. Ah, il a chié dans la douche. Il a pas chié. Pourquoi? Ça allait très vite. C'est-à-dire. Pardon, quoi? Tout pile. Bravo, non, il n'a pas chié dans la douche, il n'a pas chié du tout, même. Est-ce que trouver la pièce de la maison pourrait nous aider? Non. Il avait une petite lessive. Alors. Mais il s'est lavé les mains. On y est presque. Il s'est brossé les dents. Il s'est pas brossé les dents. Il s'est. C'est un peu lié à ce que tu nous disais, Fanny, et le cadeau qu'on t'a fait, à savoir un aspirateur connecté. Il a fait le ménage. Il a fait le ménage. Je vais me flinguer. Attends, ultra sympa, mais. J'avoue. Il a envie de lui dire. Enfin, oui, non, rien. Ça marche. Il lui dire rien, en fait. Un homme de 36 ans vient d'écoper d'une peine de 22 mois de prison pour avoir cambriolé la maison d'une femme au Pays de Galles. Le trentenaire s'est mis à la tâche en rangeant les courses de la victime, en nettoyant le carrelage, puis en étendant le linge. Ah non. Non. Attends, d'où le linge était. Attends, ça fait maxi peur par contre. Non, mais ça arrive d'oublier des fois le linge dans la machine. Oui, en fait, alors, lui il est venu pour ça. Ouais, justement. Ouais. Bah, j'avoue qu'à sa place, si je vois que le linge il est depuis une heure dans la machine, je l'étends. Chers amis, ça fait déjà une heure et demie qu'on parle. Oh, voilà. Mais quand on passe un bon moment, ça, on le sent pas passer, je vous le dis. Avant toute chose, on va faire les recommandations culturelles. C'est vrai que j'oublie à chaque fois de vous le dire, mais si vous avez aimé quelque chose récemment, bah ouais, vous avez un petit temps de réflexion évidemment. Ça peut être un film, un livre, une pièce de théâtre, un spectacle, un one man. Je sais qu'on est avec des femmes de rire. Femmes de rire, je vous appelle. FDR, femmes de rire. C'est ça. Deux belles FDR. Ça peut être même une exposition. On a déjà eu ça aussi, un podcast. On a déjà eu ça. On a eu une personne érudite en 10 ans. Les robots. On a eu ça une fois. Et tu sais quoi? En le disant, je me dis, je pense même pas. Je pense qu'on a même pas eu une fois une expo. Si, peut-être. Voilà, juste quelque chose, et pas forcément un truc récent, c'est juste quelque chose que vous avez apprécié récemment. Et, ou même, c'est même parfois pas culturel. Oui, mais Adrien, regarde. J'ai recommandé La Terre de Sommière une fois. Et on m'en parle encore. Ah bah, et on en parle tout le temps, moi. Anna? Ben, je dirais le spectacle d'Alison Wheeler. Ah, écoute, elle était venue nous en parler très vite fait. Ouais, ben moi je l'ai vue quand elle est passée. C'était, alors je suis allée voir en Bretagne parce que mes parents sont en Bretagne et je crois qu'elle tourne encore. Ouais. Elle le fait à Paris en Elle fait l'Olympia aussi, je crois, en début d'année prochaine, quelque chose comme ça. Ben moi j'ai adoré. Ouais. Voilà, complètement. Mais je pense que c'est complet hein, pour le coup. Mais je crois que ça marche pas mal. Et après je trouve qu'elle fait pas une promo de Zanzibar. Non, elle en parle pas non plus. Beaucoup. Ouais, elle. Et c'est assez original parce qu'elle mélange un peu vidéo et texte. Ouais. Et bah après moi je suis méga fan, enfin genre vraiment je suis très très cliente de son humour, donc les petits, tu sais, elle a je sais pas comment expliquer, tu sais, le vocabulaire un peu niche, les mots très précis. Oui, et moi bien c'est sûr. Vraiment un truc qui me fait beaucoup ouais rire. C'est super bien écrit ce qu'elle fait, c'est très très bien interprété et aussi très bien écrit. Donc voilà, écoute. Écoute, il reste encore des places pour l'Olympia, mais de toute façon, je pense qu'on va la réinviter pour venir nous en parler, parce qu'on on l'adore ici, Alison. On adore Alison. On adore Alison. On adore la rédac. Coup de cœur de la rédac. Du 7 au 11 janvier à l'Olympia, et effectivement, si vous allez sur son site, il y a des dates un peu partout. Je vois du Nantes, je vois du Grenoble, je vois du Lyon, je vois formidable. Du Annecy. Ouais, mais effectivement, c'est complet dans pas mal de. Voilà, la Lyon, c'est complet, à Toulouse, c'est complet, à Saint-Grégoire. Ah, c'est à côté de Rennes. Ah. C'est là où c'est typiquement à Saint-Grégoire qu'on m'a fait 4 bises. La semaine dernière. Donc si vous voulez aller voir Alison Wheeler, c'est mort, mais vous pouvez peut-être rendre hommage à Anna là-bas où elle a vécu ses 4 bises. Voilà. Bon bah trop bien, Alison Wheeler en spectacle. Fanny Ruet. Moi j'ai vu il y a quelques jours un film qui s'appelle Le Candidat sur Disney+. Okay. C'est basé sur une histoire vraie d'un mec qui a vécu pendant 15 mois dans une pièce enfermée. Il était nu. Et c'était retransmis devant 15 millions de téléspectateurs. Oh, ok. Ils ne savaient pas que c'était filmé. Ok. Enfin, que c'était retransmis en télévision. Et j'en dis pas plus parce que c'est assez fou. Oui, le pitch de base est déjà... En fait, je me disais, mais comment c'est possible? Il n'y a pas de logique. En fait, si, il y a une logique derrière et c'est terrifiant. Ah, et okay. Assez fou. Oui, donc c'est pas, on le conseille pas à toutes les personnes. Ah non, non, là, non, c'est quand très je dis terrifiant, chelou. Non, quand je dis terrifiant, c'est juste terrifiant de voir jusqu'où on peut aller et faire des choses complètement zinzin. Ok. Mais c'est plus dans cette optique-là. Maintenant, ça ne fait pas du tout peur. Ok, ok. Ouais. D'accord. Okay. Mais attends, c'est inspiré d'eux, donc c'est pas un non, documentaire. Non, non, si c'est. Ils l'ont refait, quoi, non? Pardon, je sais pensais pas. Elle l'a mis. Et... Échec et mat. Non, je pense que c'est le vrai. Okay, je pense que c'est des vraies images. Ok. On vérifiera. Oui, si tu veux, bon, si écoutez, préfères. Au pire, je dis de la merde. Hein. Pas la première, pas la dernière fois. Quoi qu'il en soit, c'est. C'est sur Disney+. Oui. Ok. Et donc, tape le candidat et on tombe le dessus. Le candidat, oui. Ok, très très bien. Eh bien, quant à moi, je vais vous conseiller un film. Alors, je sais pas où est-ce qu'il est dispo. En ce moment, il y a une rétrospective à Paris, mais je pense un peu dans les grandes villes de France, sur Sean Baker. Sean Baker qui est un scénariste réalisateur qui est un peu connu en ce moment parce qu'il a sorti le film Anorak, qui a eu la Palme d'Or là récemment. C'est lui qui avait fait aussi Red Rocket et Florida Project, qui sont des super films. Et il avait fait plein de premiers films parce que c'est un mec qui est très proche du, enfin qui kiffe le cinéma réalité un peu. Alors il y a de la mise en scène bien sûr, mais c'est de la, beaucoup de caméra à l'épaule. Il chope le chaos, les acteurs improvisent beaucoup. Il a perdu un peu ça avec le temps parce qu'il a fait des films disons un peu plus traditionnels, mais quand même complètement formidables. Encore une fois, Florida Project, c'est vraiment un chef-d'œuvre absolu. Red Rocket, c'est génial. J'ai pas vu Anora encore, mais c'est un super réalisateur. Et donc il y a ses premiers films qui sortent au cinéma en ce moment. Et j'ai vu un film récemment qui s'appelle Prince of Broadway. Le pitch est très simple, c'est un mec qui revend des chaussures à New York, à Broadway justement. Okay. Et un jour, il y a une de ses ex qui arrive avec un gamin qui dit « c'est ton fils ». Oh la vache. Et tu t'en occupes. Et lui est pas du tout là-dedans, il dit « wow, wow, attends, quoi, mais non, c'est pas mon fils, il me ressemble pas ». Et la meuf se barre, elle a elle-même des problèmes dans sa vie. Et tu suis ce gars-là, essayer du coup de continuer à vivre en vendant ses pompes tout en gérant un petit bébé de même pas 2 ans, c'est je pense. Les trois frères en fait, c'est les trois frères un petit peu, mais il est tout seul, t'imagines. Mais voilà, et c'est que des acteurs entre guillemets non professionnels, mais qui sont tous t'as vraiment l'impression de suivre la vie d'un gars, c'est à dire que pour le coup on sait pas, on te dit que c'est un film parce que tu sais que c'est un film, ça pourrait être un documentaire que tu pourrais presque l'acheter. Ça l'est pas parce que de toute façon il y a des raccords de cadres et de choses comme ça, donc c'est évidemment de la fiction, mais c'est vraiment filmé avec une image un peu dégueulasse parce que c'est un peu sa patte, et c'est drôle mais en même temps c'est très fort, c'est très émouvant aussi, c'est très touchant. Il y a des trucs où tu te demandes comment il a fait ça parce que c'est vraiment, on dirait vraiment la vraie vie. Et donc voilà, ça s'appelle Prince of Broadway. Il avait fait un autre film qui s'appelait Tangerine, qui était vachement bien aussi, entièrement filmé à l'iPhone, et ça donne une authenticité complètement dingue. Et voilà, j'aime beaucoup le cinéma de ce gars. Plus je vois ses films, plus je me dis que c'est vraiment un des trop forts de notre génération. Donc voilà, Prince of Broadway, ça dure une petite 1h40, voilà, ça se consomme bien. Ça se consomme comme ça, c'est très bien, c'est au cinéma en ce moment. Je sais que le Grand Action à Paris le diffuse, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir. Merci beaucoup. Ben merci. D'être merci. Venu. Alors on fait quand même un dernier petit tour. Anna, donc tu continues le rodage de ton spectacle. Ouais. Donc à Paris, c'est un peu souvent complet puisque tu joues à la petite loge. À la petite loge tous les samedis, ouais. C'est ça. On va peut-être rajouter un autre jour, je sais pas encore. Croisons j'ai les pas, doigts. Voilà. Le mystère. Ouais. Mystère. La ça, tu kiffes le rodage, ça j'adore. Bien. C'est trop bien. Ouais. C'est une toute petite salle donc de 25 places, ouais. Mais du coup c'est trop cool. On est hyper proche des gens et tout. Donc moi j'adore ça, et donc c'est jusqu'à pour l'instant fin mars. D'accord. Et tu sens là l'évolution, la construction. Il y a des trucs où tu dis putain ça, je pensais que c'était fort. Ouais. Ouais. Je suis déjà en train de changer des trucs, ouais. Et j'ai rajouté des partie aussi. Avant j'allais beaucoup trop vite parce que j'étais stressée aussi, donc je parlais trop vite. Là ça y est, je prends mon temps et tout, donc je suis contente, mais en fait il y a encore plein de taf, enfin ouais. Normal quoi. Donc, mais tu prends le temps, c'est ça qui est super. Tu fais une vraie période de rodage. C'est ton premier spectacle. C'est mon premier spectacle. Génial. Voilà. Moi, je t'avais vu en Comedy Club. C'est déjà vachement bien. C'est trop cool. Bah, je te remercie. Mais non, mais bravo. Franchement, merci c'est beaucoup. Super. Et puis sur Instagram, tu continues les vidéos. Exactement. Voilà. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu également. Ouais. Avec... Bah voilà, je fais des. Je sais pas. Je raconte des petites anecdotes. C'est très marrant. Récemment, tu racontais ton journal intime. Oh là là. Ah, oui. C'était très là bien. Oui, je suis retombée dessus. C'est très très bien. Moi, j'avais pas. Alors peut-être, je suis dans un giga cliché. Si c'est le cas, vous m'excusez. J'ai l'impression que c'est assez féminin le journal intime. Je connais trop peu de mecs qui avaient des journaux intimes quand même. C'était pas un journal intime, c'est je sais pas, j'avais dû avoir une feuille à remplir. Oui, c'est vrai. C'est bien celle où il y a écrit genre mes passions, mes machins et tout. Lire une BD en faisant caca. Voilà, c'est écrit, mais. Qui est toujours ma passion. Oui, voilà. En fait, c'est drôle parce qu'il y a écrit mes passions et en premier j'ai dit faire caca avec une BD et après j'ai mis le nom de mes amis. C'est vraiment oh, wow. Dans la hiérarchie des passions, voilà. Et en même temps, je pense que tu as été très sincère. Dans ma démarche, en effet. Tout à fait. Bon, bah, c'est vachement bien, Anna Godefroy sur Instagram. Et puis, il y a un lien, il y a un Linktree avec plein de choses. Linktree, voilà, c'est très bien foutu. Je suis moderne. Non, mais c'est très bien foutu. Ah, c'est très bien foutu. Pour c'est une ringarde, ça va. Voilà. Tu vois, ça dépend des jours. Fanny? Oui. Pareil, toi, tu joues ton spectacle au Zèbre de Belleville, c'est oui, ça le nom ça qui est mon surnom aussi. Le Zèbre de Belleville. C'est vrai. Il est super son spectacle, si je peux me permettre. Ah, la puce. Bah ouais. Ça se passe bien. T'es contente? Ouais, je suis contente. Là, c'est la quatrième. On a fait 4 à Paris pour l'instant. C'est chouette. Écoute, ouais. J'aime bien. La scénographie, elle est trop belle, je trouve. Donc, je suis trop contente. C'est les jeudis et vendredis, c'est ça? Les mercredis et jeudis. Excuse-moi. Les ouais. Mercredis et les jeudis. Jusqu'à quand? Jusqu'au 5 décembre. Non, trop non, je joue pas beaucoup à Paris, moi. Okay, donc là, il reste une dizaine de dates et puis après, on part en tournée avec. Génial. Voilà, ouais, j'ai vu pareil. Vous allez sur le site de Fanny Ruet. Il y a tout. Il y a l'accès aux bouquins. Il y a l'accès à son premier spectacle sur ma canal aussi. Ça oui, c'est trop tout cool à aussi. Fait. Très bien. Et là, le spectacle était hilarant, mais la, j'ai adoré la réal de ce spectacle. Oui, j'aime très trop. Beau. On ouais. s'était vraiment fait chier. On avait pris un théâtre magnifique. Et j'avais dit, ouais, non, je veux pas jouer sur la scène, je veux jouer au milieu de la salle. Ouais. Et donc, on avait dû tout déplacer et tout. Il y avait des gens sur la scène, du coup, et tout en 360. Et ouais, je suis trop contente. Ça change beaucoup l'exercice, ça, d'ailleurs, d'être sur. Ouais. Enfin, j'imagine que oui, mais ça change. C'est plus stressant, la scène centrale Stressant, non, mais disons que tu dois un peu plus penser à, ok, il y a des gens, faut pas qu'ils voient mon cul pendant 10 minutes de suite, quoi. C'est ça. C'est un peu ça le truc. Je comprends. Ouais. Très bien. Adrien Méniel, bah écoute, ça écrit comme toujours. Oui, voilà, il n'y a rien qui sort là en ce moment, donc voilà, non, mais rien. Comme ça. ça travaille dans l'ombre. Ça travaille dans l'ombre, et puis après on va s'en prendre plein la gueule. Oh, non, tu joues en ce moment aussi. Il y a des tournages. Mais bon, pareil, ouais. Ça sort pas tout de suite, donc ça sert à rien. Pas tout de suite. Très bien, et bah écoutez, merci beaucoup. Merci tout le monde, salut. Merci. Salut. Bye. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.